Journal de bord du capitaine. Date stellaire inconnue. L'équipage ainsi que le vaisseau et moi-même avons rencontré une anomalie le long de notre trajectoire de distorsion. L'officier scientifique, M. Patelin, pense que nous avons traversé une déchirure dans les continuums de l'espace-temps. Nous serions à présent dans une dimension inconnue, au sein d'une galaxie lointaine. Très lointaine. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans USS Millennial, le podcast surgelé comme Picard. Je suis Jean-Sébastien Fardus et je serai votre navigateur aujourd'hui, accompagné du second Tuki. Salut. De l'officier scientifique, Monsieur Patelin. Live long and prosper. À quoi, c'était bien? C'est l'ingénieur Zimdut. Aux ordres, capitaine. Cool, vous moquez de moi. Bon, ça suffit là, tu parles en même temps que les autres. Le pauvre. C'est le t-shirt rouge, lui. Notre super. Ouais, c'est ça. Monsieur Patelin, le t-shirt rouge. Et notre capitaine, Matt. Salut. Si vous voulez que ce soit lui, le capitaine. Je peux le refaire si vous voulez. Mutinerie. T'imagines l'épisode de Star Trek qui commence et puis il présente les persos et puis t'as un genre Picard ou Pike ou n'importe qui arrive. Salut. Mais non, mais j'ai bugué parce que je cherchais comment dire bonjour en Klingon, je voulais me la péter et en fait ils disent pas bonjour en Klingon. C'est pour ça qu'ils se niquent tous leur mère entre eux. Bah, en fait, le truc qui se rapproche le plus de Klingon, je crois que c'est un truc qui genre qu'est-ce que tu veux quoi. C'est Stam, regardez. C'est qu'on se fight. On va avoir du sang Klingon. C'est vraiment des gens adorables quoi. C'est belle culture. Tu croises quelqu'un, tu croises du regard, c'est qu'est-ce que tu veux. Tu je te défonce. C'est ça. Se dire merci, ils se disent mange tes mains. Alors attention, vous vouliez peut-être pas dire bonjour, mais baisse les yeux. Tout ça pour dire bonjour à tous. Ouais, en ce 1er avril, nous allons vous parler du coup de Star Trek. Je sais pas si vous avez remarqué, on parle des Klingons et tout. On a un officier scientifique en plus. C'est Claude. on va faire ça comme des gros millennials, c'est-à-dire qu'on va pas parler des vieilles séries, là, les vieux trucs tout nuls, tout pourris. Ce qui est bien, c'est qu'on énerve déjà tous ceux qui ont cliqué sur, sur l'épisode parce qu'il y avait marqué Star Trek. C'est trop ça. Non, mais je vais non, mais il fait son hipster, laisse-le, vas-y, passe. Ou ignore-le. De ce qui s'est fait justement plus récemment, c'est-à-dire post-2009, après le reboot par JJ. Non, c'est comme Voldemort, faut pas dire. un reboot qui est en plus très, très intéressant parce que c'est aussi un remake d'un Nouvel Espoir, donc c'est ça qui est génial. un nouvel... Quoi ? Je sais pas de quoi tu parles. J'ai jamais entendu parler de ça, je vois pas ce que c'est. C'est quoi ? Non, mais c'est quand même ouf parce qu'au final, ça se voit moins parce que c'est dans Star Trek, mais le mec, il te sort une... Un truc qui détruit des planètes, le héros qui va faire un sauvetage dans la base qui détruit des planètes, le héros qui est évidemment un fermier, enfin bref. D'ailleurs, est-ce que c'était... Je sais même pas si c'était ça, l'origine story de Kirk à la base. Mais... Si, il est dans la cambrousse. Il roule dans le désert avec sa Cadillac, là. oui, non, c'est exactement ça, ouais. Évidemment que tous les fans de Star Trek ont détesté parce que c'était un Star Wars. Il y a même R2-D2 dans le film, je déconne pas, je suis désolé. Il y a même des lens flares comme dans l'épisode 7, c'est n'importe quoi. Il y en a beaucoup plus que dans l'épisode 7. Mais nous, on est astigmates, donc ça va, on a l'habitude. Ouais, nous, c'est comme ça qu'on voit la vie en général, on a des lens flares partout. Vous imaginez la vie, on est vu par J.J. Abrams. Il est peut-être astigmates. Ouais, c'est comme nous, ils sont astigmates. Non, mais toute ta vie, c'est que des clins d'œil à de vieux trucs. Ah, en fait, il arrête pas de cligner des yeux parce qu'il est astigmate et il a tout le temps des lens solaires dans les yeux. Il est constamment là, mais je l'ai pas déjà vécu ce truc-là. J'ai l'impression de déjà vu en permanence avec lui. Du coup, voilà, ça, même si voilà, c'était toujours très controversé, ça a vraiment relancé le truc jusqu'à ce que, après le troisième, ils décident de plus en faire. Bon, bah, tant pis. D'ailleurs, le troisième qui n'avait pas été fait par lui, mais je sais plus par qui. Voilà, parce que c'était un mec qui bosse avec lui, mais voilà, c'était pas un type au pif, c'était quand même un type que lui-même a choisi. Je sais que le troisième film, il a été écrit par Simon Pegg, en tout cas co-écrit, et que, en fait, le truc, c'est que ça ressemblait plus à du Star Trek, ou dans le sens où ça ressemblait plus à un petit arc de plusieurs épisodes de Star Trek, mais en même temps, bah, du coup, c'était moins adapté, je pense, en film, c'était moins péchu, on va dire que. Et du coup, c'est le moins pire. Voilà. Mais voilà, comme je disais, on va pas trop parler de la série originale et de la nouvelle génération, des trucs comme ça. On va même pas parler de cela non plus, des films d'Abrams. Hein. Non, voilà, j'en ai parlé vite fait là pour introduire et pour faire un lien avec Star Wars et dire que bah, voilà, c'est la même chose au final. Avec quoi ? Du coup, on va pas parler des anciens parce que, à part notre ami Adrien, personne ici n'a vu les vieux. Et même si moi je connais des trucs dessus. En fait, à part Star Wars, je ne regarde pas de vieux films parce que j'aime pas ça, parce que c'est lent. Mais des vieilles séries. Pourtant, alors moi, quand j'en vois un, hein, ça peut me plaire, mais j'ai toujours du mal à regarder par moi-même des vieux films. J'ai juste vu le début de la série originale pour faire l'intro que vous avez entendu juste avant. C'est, pour l'instant, j'ai vu que ça. Ouais, mais la série originale. C'est très connu, tu vois. C'est oui, ça fait même partie de l'univers de. Comment dire, l'imaginaire collectif, quoi. C'est quelque chose d'assez ancré. Quoi. Hein, ça a été déjà plagié plein de fois partout. Quoi. Spock et le salut Vulcain et tout, je veux dire. T'as plagié, aspiré, enfin, voilà. C'est de la culture générale, quoi. Le salut Vulcain arrive que dans la saison 2, d'ailleurs. Il me semble. De quoi? De Discovery? Non, de la saison 2. Ah! Ouais, il me semble. Ah, bah c'est. Mais merci pour cette anecdote. En vrai, j'ai vu que les premières saisons. Donc. Il n'y avait pas de Vulcain, donc je suppose que c'est si du coup, on faisait un petit tour de table juste pour voir qui a vu quoi, que les gens puissent se dire à quel point on n'est pas légitime à parler de Star Trek. Ouais, bon, ça va être de la fête. Hein. Moi, j'ai vu les films de JJ, là, les trois dont celui qui n'est pas vraiment de lui. J'ai vu Discovery, les deux saisons. Et la première saison de Picard, c'est ça ? On a vu la première moitié de Picard qui vient de se finir, justement. Du coup, on n'a pas regardé jusqu'au bout. Comme ça, on ne pourra pas vous spoiler. Et ça, c'est bon. On n'a pas regardé jusqu'au bout parce que je jouais à des jeux vidéo à la place. Pareil. Mais Eximut, toi, t'as vu quoi ? Alors moi j'ai vu les trois films pareil et j'ai vu quand même c'était je crois qu'il l'avait passé à la télé à la juste avant la sortie du deuxième ou du troisième de la nouvelle trilogie le Star Trek le film donc le film avec les acteurs quand même de la série originale mais voilà c'était ce qui était d'ailleurs plus un long épisode de série qu'un vrai film parce qu'il y avait quand même on voyait qu'ils avaient dû rajouter des trucs pour que ça tienne pendant une heure et demie ou quelque chose comme ça. Donc c'est la seule vraie introduction que j'avais eue à la série originale. Donc t'as vu le film de 79 et les trois films la trilogie de 2010, enfin des années 2010 quoi. C'est exactement ça, ouais. J'aurais bien aimé regarder Discovery, mais elle n'est pas disponible sur les trucs de VOD canadiens, donc voilà. T'as pas un oncle en France qui pourrait t'envoyer son Netflix Non, ça pourrait se faire, ouais, mais sinon, on a tous un tonton américain, et toi, tu pourrais avoir un tonton français, par exemple. Ouais, non, je sais qu'il y aurait des possibilités, mais voilà, J'espère que tu... J'arrive pas, je ne fais pas encore complètement confiance à mon oncle. Courage à demain. Après l'épisode. Adrien ou moi. Alors moi, j'ai longtemps buté sur l'esthétique de Star Trek, quoi, les mecs en pyjama. Enfin, c'était vachement. Enfin, le peu que j'en voyais, c'est j'avais toujours l'air assez cheap et tout. Enfin, ça m'a jamais attiré. C'est plus que ça. Ça jurait trop, si tu veux, que Star Wars pour m'intéresser, parce que ce que j'aimais, c'était l'esthétique de Star Wars me plaisait énormément plus que Star Trek. Moi, j'ai jamais touché à Star Trek. Et tout ce que j'ai vu, c'est les deux saisons de Discovery. Parce que j'ai même pas vu les films récents. Ça m'intéressait pas plus que ça non plus. Du coup, j'ai vraiment vu que Discovery, quoi, les deux saisons. Picard, vu que c'est terminé, maintenant, je vais m'y mettre pour pouvoir enchaîner tout ça. Mais ça, et à part un peu de culture G accumulée à force d'en entendre parler par-ci par-là, j'ai dû toucher une fois un jeu vidéo Star Trek aussi, une démo, je crois, à l'arrache quand j'étais gosse, vers 10-12 ans, mais pas plus. Donc, j'ai vraiment découvert avec Discovery, maintenant, je pense que je vais m'attaquer à tout le reste. Très bien. Et mon petit Adrien. Adrien, qu'on a en duplex, c'est ça? Oula, qu'est-ce que tu vas inventer encore? Non, c'est juste pour que tu fasses ton. Eh oui, mon chat! Oh putain de merde! Non, mais vas-y, à toi. Ok. Du coup, Star Trek, c'est un peu compliqué. Je suis un peu comme Matt, j'en ai beaucoup entendu parler quand j'étais plus jeune, et pour moi, c'était un petit peu. Un sous Star Wars quand j'étais jeune. Ouais, un peu cheapos, quoi. Stupide. Ouais, c'était vraiment ouais, pareil. Vraiment tellement vieux, tellement ringard que genre ça valait pas le coup. Ah non, moi c'était mon attitude que je trouvais stupide maintenant. Mais non, ça avait pas l'air stupide, ça avait juste l'air chiant comme la mort et daté, quoi. Daté de ouf, mais. Non, bien sûr, bien sûr. Non, bah j'étais vraiment con de penser ça. Et en fait, il y a de ça maintenant un an, j'avais commencé la série originale. Suite au bon conseil de mon ami dessinateur Nebelungen, je ne sais pas s'il écoute ça, big up à toi. On aurait dû l'inviter, mais. Mais vraiment, ouais. On est trop mauvais pour ça. Mais oui, c'est ça. Juste pour faire la vieille. C'était vraiment parce qu'on voulait rester ignorant, et ça, c'est. Je pense que c'est une attitude que tout le monde devrait adopter, en fait. je sais que la droite le fait déjà. J'ai pensé hier soir à l'inviter, c'était un peu tard. Faut qu'on m'ignore qui est de droite, quoi. Mais non, mais on se rattrapera pour Picard. Premier. Oui, voilà. Mais donc j'ai commencé suite à ses conseils il y a un an, puis je m'étais arrêté parce que j'avais pas le temps, parce que c'est quand même long et parce que quand je me lance dans un univers, j'aime bien faire tout dans l'ordre et tout assez. Mais du coup, lui, il t'avait conseillé de commencer par la série originale ou une autre? Non, il m'avait conseillé de commencer par The Next Generation, mais comme je m'en fous, comme j'aime bien faire dans l'ordre. Non, moi, je veux voir le vieux truc chiant là. Non, mais vraiment. Et en fait, j'en suis arrivé au point où j'ai continué il y a quelques semaines la série originale et j'adore. Alors, j'ai pas fini, à un moment de là, j'ai vu. La première saison et une partie de la deuxième. Et je suis vraiment tombé amoureux de cette esthétique cheapo, ce truc très, très vieux qui, moi, me plaît beaucoup. Hein, le jeu d'acteur est merveilleux, les personnages sont fantastiques. Et du coup, j'ai regardé ça. Et il y a de cela quelques semaines, lorsque mes collègues de chez Faucon Millenial m'ont justement dit on va faire un épisode de Star Trek pour le 1er avril. Regarde Discovery. J'ai commencé Discovery, alors j'ai pas fini, j'en suis navré les amis, mais j'en suis à la saison 2, pareil que la série originale, et c'est vraiment tout ce que j'ai regardé de Star Trek. Alors, j'ai pas été voir les films lorsque tout le monde est parti les voir au ciné, parce que justement ce souci de vraiment faire tout dans l'ordre, bien calculer le début et la fin, hein, donc je pense que c'est ce que je verrai en 2045. Parce que c'était un reboot et c'est un univers alternatif, du coup. Ouais, mais ça je savais pas, en fait. Et maintenant que je sais que c'est un reboot et que c'est pas vraiment dans le même univers, ça m'intéresse pas. Mais là, comme je disais, j'ai vu les débuts de le début d'épisode et le début des premiers épisodes, juste pour faire l'intro. Et c'est vrai que l'esthétique, finalement, a quand même du charme avec le recul. Maintenant, j'ai bien envie de regarder ça, parce que c'est vraiment vintage, il y a un certain charme. Ce que j'aime beaucoup, c'est, je crois que c'est dans l'épisode 2, en tout cas, tout ça, j'en sais rien, un des tout premiers, il y a une espèce de chat maquillé de façon hyper dégueulasse pour en faire une sorte d'alien. C'est magnifique. Ils ont mis une corne sur la tête, il a des extensions de poils, il a une espèce de crête dorsale. C'est n'importe génial, quoi, mais c'est fantastique. Je veux voir la suite. T'es obligé de faire ça à Guinness maintenant. Parce que les acteurs, ils ont l'air à donf. Je vais faire ça à Guinness, je vais essayer. Mais eux-mêmes, ils sont. Ça a l'air. Non, pour moi, ça a l'air cool. Alors que, ouais, effectivement, gamin, voilà, 12, 15, 12, aller jusqu'à 15, 16 ans, même un peu après, je pense que j'aurais été trop con pour regarder, même simplement pour accrocher peut-être. Mais maintenant, surtout après avoir vu Discovery, j'ai envie de voir ce que la série peut proposer auparavant, quoi. C'est vraiment bien. Ouais, vraiment, je vous conseille la série originale. Elle est tout simplement fabuleuse et Leonard Nimoy dans le rôle de Spock est fabuleux. D'ailleurs, il y a Leonard Nimoy quand même dans le dans le reboot de JJ. Qui... Oui, j'en ai entendu parler, vous m'aviez dit ça justement. Bah, ouais. Il est un peu central pour que ce soit bien clair, cette histoire d'univers parallèle et tout. Ouais. Il a même un rôle assez important. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas, comment il s'appelle l'autre, Kirk là. Mince. Ah, il est canadien. Oui, William Shatner. Oui. Ouais. C'est... Alors, je ne l'ai jamais trop pigé, mais c'est pas un gros con ou un truc comme ça. C'est un peu une diva, quoi. Ouais. Ah oui, c'est un Alain Delon, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Non, c'est mais exactement ça. Alain Delon. En moins de droite, quand même, je crois, non? Alain de droite. Hein. Il est américain. Il est moins de droite. Non, non, il est canadien, mais il est bien. Non, non, il. Ah, je pensais qu'il. Je pensais pas que c'était, un réac, en fait. C'est un je truc. Il était juste. Mais c'est déjà un défaut. C'était déjà un boomer à l'époque. Bon, du coup. Oui. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des gens ici ont vu principalement Star Trek Deep Discovery. Retour de Star Trek en série. Et avant que ça réexplose. Et comme les films de 2009, ça a été très controversé chez les fans de Star Trek, et j'ai pas cherché à savoir pourquoi. On a un peu marre. Hein. On donne assez avec Star Wars pour les gens qui se plaignent que c'était mieux avant. Donc. Les films de JJ, je veux bien, mais Discovery, oui. À mon avis, si t'aimes pas, t'es de droite, donc t'es un connard. Ouais, je pense. Donc en fait, t'as rien à faire devant Star Trek. Parce que, bon. Mais c'est ça, ça fait rien. Casse-toi. Ouais. Et du coup, est-ce que tu veux bien nous présenter un petit peu la série, mon petit Matt, avec toi qui es notre capitaine d'aujourd'hui? Ah, normalement, le capitaine, il fout rien, il assis sur son fauteuil et puis il donne des ordres autour. J'ai vu la série, je sais comment ça marche. Il est assis sur son fauteuil, il regarde les gens en prenant un petit sourire, genre, t'as vu, je sais tout avant les autres et je vais agir pour le bien de l'équipage, mais bah, il fait rien en fait. On note bien et présente le truc. Oh putain, il est relou. Bah, je peux si vous voulez. Hein. Mais du coup, non, mais je peux, je vais pouvoir. Alors, la série a été annoncée le 2 novembre, pardon, ça commence bien 2015. Donc finalement, je crois, deux ans après le dernier film de cette nouvelle trilogie. Un peu par Gigi, parce que c'est pas tout à fait comme pour Star Wars, c'est pareil. Il vient, il fait deux films, mais il fait pas le dernier. Gigi, ou... ouais. Enfin, là, en l'occurrence, il a fait le dernier, il aurait pas dû. Mais bon, c'est une autre histoire. Et du coup, bah, vu qu'elle allait fêter son anniversaire de ses 50 ans en 2016, la série originale, ils se sont dit, bon, on va relancer. Et c'est la première série depuis Enterprise, qui s'est terminée en 2005, je crois. Ou qui a commencé en 2005, je sais plus exactement. Non, ça s'est terminé en 2005. Pardon. Du coup, il n'y avait pas eu de série depuis 10 ans au final. Et ils se sont relancés là-dessus. Alors, il y a le co-scénariste des deux premiers Star Trek de la trilogie originale qui sont dessus, en producteur exécutif. Classe. Voilà. Et on retrouve aussi des mecs des premiers Star Trek, en l'occurrence, hein, des premiers films, je crois, ou d'anciens films. Un mec qui a bossé sur la colère de Khan. Et sur le 6 et le 4 aussi. Enfin, je n'y mets note, hein, désolé, parce que voilà, je suis complètement largué par contre. Et du coup, bah, c'était annoncé en première diffusion pour 2017, si je ne me trompe pas. Et voilà, on a fait un peu le tour de la genèse du truc. Est-ce que tu veux également que je parle du synopsis de tout ça, qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet? Oui, vas-y, explique un peu. Montre-nous que tu sais bien lire. Voilà, je vais vous lire ça tout à fait bien. Petit résumé sans spoiler. On nous introduit, même si cette formulation est toujours un peu étrange. Michael Burnham, qui est une officier de la Starfleet, qui a été élevé. Alors ça, on le saura un peu plus tard. Mais on peut le dire rapidement, mais c'est une première humaine à avoir été élevée selon la culture vulcaine. Donc, c'est une humaine, mais un peu spé, hein, pour le standard, même pour le standard de l'époque. Elle est premier officier sur l'USS Shenzhou, qui va se rendre, croiser un relais de Starfleet, un relais de communication, je crois, qui a l'air de déconner, et il s'en approche, et il y a une anomalie, il n'arrive pas à voir ce qu'il y a, il y a une sorte d'objet spatial. Sauf qu'en s'en approchant pour aller voir ce qu'il y a, bah, en fait, c'est un vaisseau Klingon. les Klingons qui apparemment... Il y a une anomalie sur ce relais. Alors non, il y a le relais d'un côté qui déconne, si je me souviens bien de l'épisode, du premier épisode, et ils disent, putain, il y a un truc chelou là-bas, on va peut-être aller voir ce que c'est dans les astéroïdes, machin. Et ils vont voir, ils font, ah putain, c'est un vaisseau. Michael Burnham, donc, qui a été avec une espèce de petit scaphandre, même pour vaisseau, ils sont allés en scaphandre comme ça, personnel, elle se pointe là-dessus, elle monte un petit peu pour faire des images, des petits Instagram, des petits selfies comme ça, histoire de pouvoir ramener des souvenirs à la maison. et sur qui elle tombe pas, putain, un Klingon. Alors il commence à lui mettre sur la gueule, il lui dit bonjour à la Klingon déjà. Elle a se dit merde, j'ai pas dit bonjour, il va me niquer ma mère. S'ensuit un petit duel rapide. Elle le refroidit, voilà, hein, ça c'est fait. Il prend cher, et, sauf que bah ça déclenche un petit peu une guerre, visiblement. Hein, un petit peu. Une guerre avec les Klingons, alors qu'ils se tenaient calmes depuis, si je ne me trompe pas, un siècle au moins, je crois, dans le canon. Là-dessus, on n'est vraiment pas au point sur le lore, donc on va sûrement dire des grosses conneries. J'ai hâte de voir les tweets après derrière, mais les Klingons se tenaient au calme. Ils se mettaient sur la gueule, mais plutôt entre eux, si j'ai bien tout compris. Là, il y a un mec qui sort un peu de l'ombre, qui se pointe, qui commence à, voilà, mec les Klingons, Great Again et tout, qui commence à essayer de rassembler tout le monde contre la Fédération. Et en plus de ça, elle se pointe et elle le refroidit. Hein. Donc ça se met moyen, hein, dès les deux premiers épisodes, ça commence tendu quand même. Mm-hmm. Je vais pas non plus vous faire toute la saison comme ça, mais voilà, on part de ce point de départ, de cela. Et derrière, bon, on continue à suivre Michael Burnham qui a un destin un peu chaud suite à tout ça. Bah surtout qu'elle a désobéi aux ordres du capitaine Giorgio. Voilà, je ne savais pas si on irait jusque-là, mais oui, c'est ça, c'est qu'elle désobéit, ça se finit mal. Tout ça, c'est dans le premier. Pour le capitaine, c'est dans le premier et le second. Sa fille. Bon, il y a quelques survivants, hein, mais. Oui, mais ils sont quand même endommagés. Ouais, bon, il y en a, ils perdent des trucs au passage, certains. Mais... ils perdent des morceaux. Mais, non, mais vraiment, ces deux premiers épisodes, c'est vraiment là que ça se met en route. Donc, il ne faut pas s'arrêter au premier, et puis vraiment enchaîner le deuxième, et là, ça démarre vraiment. De toute façon, les deux s'enchaînent très facilement, mais grosse bataille avec les Klingons, mauvaise décision de prise, un ordre pas respecté, ça finit mal pour Giorgio et compagnie. Et derrière, Michael Burnham, donc, elle est mise en prison, hein, simplement. Elle est en cour martiale, condamnée, exclue de Starfleet, en tôle. Et c'est là que ça démarre vraiment, c'est qu'elle est transférée. Étrangement, sur un autre vaisseau, un vaisseau scientifique qui s'appelle l'USS Discovery. Moi, je connais un certain Poe qui s'en est mieux sorti. Hein. Alors, pour le coup, pour faire des victimes en temps de guerre à bord de vaisseau, c'est clair que Poe, il a la meilleure technique. Il faudrait qu'il brief un peu. Il devrait faire des séminaires comme ça. Alors, déjà, t'es un mec. Ah ouais. Ah zut. Ouais, mais elle s'appelle Michael, un peu grugé. Un peu grugé. Et d'ailleurs, le Discovery, qui est sûrement le plus joli vaisseau de tout Star Trek. Je pense, parce que bah, ça aussi, c'est un point sur lequel j'ai toujours bugué, c'est que les vaisseaux, je les trouve quand même relativement chum, de façon générale. Hein. C'est quand même pas le truc le plus esthétique de... Enfin, c'est daté, quoi. Autant Star Wars, c'est intemporel, autant ça se date vite, les vaisseaux de Star Trek. Mais là, le Discovery, il a une sacrée gueule. Et dans le lore, en fait, c'est un vaisseau tout neuf, je crois, hein, de Starfleet, hein, c'est un truc, il est flambant neuf le machin. Est-ce que j'ai tout dit ou est-ce que j'ai raté les trucs, Adrien, toi qui l'as vu Malfoy, et puis Oui. On allait y venir, oui, le capitaine, donc c'est Gabriel Lorca et c'est joué par Lucius Malfoy. C'est grâce à lui qu'on a découvert la série d'ailleurs, parce que je le suivais sur Twitter. Il était en train de parler de son rôle dans la série et j'étais oh putain, mais ça a l'air trop bien. À ce moment-là, dès qu'il disait qu'il faisait un truc, je me disais il faut que je regarde, et du coup on a regardé. J'étais pas déçu. Mais je sais pas comment j'ai kiffé dessus. Le générique, peut-être. Déjà, ils sont tous BG. Il y a un truc qui m'a dit ah tiens, je vais regarder Discovery. Et après, je fais oh, tout du long. Moi, c'est le truc qui m'a dit regarde Discovery, c'est vous en fait. Donc, Mais je crois que c'est nous aussi, Matt, qui t'avons fou. Oui, ah, c'est pas impossible. Ouais. Vous et puis les amis Nibelungen et Saito. Oui, ah oui, peut-être que ça vient de on les remercie c'est du coup gros, très fort. C'est des gros forceurs. C'est des gros trekkies, hein. C'est des gros nerds, qu'on se le dise. Hein, enfin, la dernière fois qu'ils ont vu une douche, non, c'est. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai du mal de mes copains. Mais est-ce qu'il faut être un gros tricky pour comprendre? Non. Discovery? Non. Bah, dis-nous, tu kiwi? Non. Bah, non. Mais c'est tout, enfin. Je veux dire, c'est vachement abordable, ça explique bien les choses, ça te fait pas des références, genre gros clin d'œil à des trucs ultra. Obscur, que si t'as pas vu toutes les saisons 15 fois, tu passes à côté. Enfin, non, c'est vraiment une bonne introduction à l'univers. Et en plus, tous les personnages sont super bien écrits, super attachants. Ouais, je trouve que c'est un bon moyen. Je suis assez d'accord que ça donne vraiment envie de se plonger dans le reste. Enfin, déjà tu kiffes parce que tu comprends ce qui se passe. T'as pas besoin d'avoir un background de malade. Si t'as quelques bases de SF, voilà, bon. Un voyage en hyperespace, ça s'appelle pas l'hyperespace, c'est la distorsion, le warp, bon, tu captes, tu vois que c'est à peu près similaire. Puis si tu sais un peu que en gros les Klingons c'est un peu les méchants entre guillemets, que la Fédération voilà, c'est un peu les gentils. T'as pas besoin vraiment de savoir ça parce qu'il te l'explique. C'est introduit, c'est vrai. Il te l'explique sans que ce soit non plus, tu vois, genre. Ça rentre bien dans l'univers, c'est pas forcé quand il t'explique les trucs, et du coup t'arrives bien à suivre même si tu connais rien du tout à ça. D'ailleurs, ça m'a surpris qu'on n'ait pas dans les premiers épisodes une exposition trop appuyée. Tu rentres directement dedans et t'es pris dans l'univers et tu comprends tout en même temps que tu regardes. Oui, il n'y a pas d'exposition. Il y a une autre série qui a voulu faire pareil, c'est Altered Carbon, sauf qu'ils auraient peut-être dû en faire un peu plus. Non, le truc, c'est que l'exposition, elle vient pendant la série, au final. Oui, mais c'est bien amené, en fait, tout le long. C'est bien distillé. C'est ça, ouais. Voilà. Ce qui est rigolo aussi, c'est que ça se passe avant la série originale et du coup... Oui. Il n'y a pas tout le bagage du truc, justement, c'est beaucoup plus libre. Ça, je voulais venir là, un petit point sur la chronologie. C'est vrai que ça se passe avant les films de 2010 aussi, je crois. Non, mais les films de 2010, c'est pas le même. Mais c'est un autre univers, c'est ça? Moi, je suis perdu. Oui, mais ça se passe avant quand même, ouais. Donc, d'accord. Techniquement, c'est un truc. Mais regarde, l'univers canon, ça se passe avant Star Trek. La série originale, et après Enterprise, bien après Enterprise, du coup, pour ceux qui ont vu. Moi, j'ai pas vu, je sais pas. Voilà. En plus, la série de 2005, je crois que c'est pas celle la plus vue non plus. Mais... Oui, mais moi, tu vois, comme je voulais dire tout à l'heure, j'ai oublié de le préciser, mais quand je dis vieux, en termes de film, c'est jusqu'à 1995, on va dire. Et en termes de série, c'est jusqu'à 2005. c'est déjà vieux pour moi. Ça fait déjà cheap, en fait. Bah, surtout que les trucs des années 2000 ont mal vieilli de façon générale. Hein, mais... Voilà, c'est ça. Stargate, ça passe. Oui, mais Stargate, je regardais ça quand j'étais petite. Donc ça... Mais voilà. Stargate, c'est parce que... C'est peut-être le côté nostalgie aussi, mais... Il y a des trucs qui ont bien vieilli. Hein. Ça a mieux vieilli de façon générale qu'Atlantis. On n'est pas là pour parler de ça, mais ça a beaucoup mieux vieilli que Stargate Atlantis. Stargate Atlantis, Stargate SG1 a mieux vieilli qu'Atlantis. Stargate SG1, voilà, non mais est précise. Voilà, bah, moi je dis Stargate et SG1, enfin c'est la base. Oui. Sinon j'aurais dit Atlantis, j'aurais dit Continuum, j'aurais dit je sais pas quoi. ok. Donc voilà, et c'est vrai que c'était. Du coup, il n'y avait pas de frein vraiment. Bah, le fait que ça commence avant. Ça permet d'introduire les personnages, le conflit, tout ça, enfin, sans avoir besoin d'avoir un background en amont pour capter les trucs. Quoi. Donc c'est super intelligent de l'avoir placé là. Ça peut créer de nouveaux trucs en plus parce qu'ils sont pas obligés de se dire ouais bon ça avait été établi que c'était comme ça. Enfin tu vois, ça donne plus de liberté. J'adore ce qu'ils ont fait avec les créatures, les. Ça, on va y venir après. Ouais. On va y venir juste enfin un peu plus tard sur les Klingons notamment. Il y a plein de trucs à dire. Oui, il y a eu une grosse controverse justement parce qu'ils n'ont pas le même design. Oui, on peut en parler rapidement maintenant, mais ils ont pas le même design, ils ont un design beaucoup plus brutal, plus marqué qu'avant. Oui. Mais c'est plus. Beaucoup plus alien, parce qu'avant ils avaient. Plus alien, oui. Je crois qu'ils avaient un teint de peau assez humain, ils avaient juste des traits un peu. Dans la série originale. Adrien peut nous le dire, je crois, oui. Ouais, dans la série originale, ils apparaissent à la fin de la première saison. Et c'est vraiment des humains avec des oreilles pointues. Ils ont pas juste une espèce de... Voilà, des gros sourcils en mousse. Ouais, ils ont des gros sourcils aussi. Ils ont un teint un peu plus jaunâtre. Ils ont le front plissé. Non, pas encore. Non, même pas encore. Ils avaient juste les gros sourcils. Ouais. Et en fait, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que pour le coup, Discovery explique un peu pourquoi ça devient des humains, en fait. Oui, parce que... Alors, on va y venir plus tard, parce que c'est un gros spoiler aussi, mais il y a aussi une histoire, je crois, de brassage, en fait, simplement, entre des humains, des Klingons, qui a donné aussi des Klingons un peu plus light skin, j'allais dire, humanoïde, que ceux qu'on peut avoir dans Disco, quoi. Ils sont bien cool, ceux de Disco. Ils sont très, très cool. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à propos de... Tu baises, d'ailleurs, parce que la dernière fois, tu disais que tu baisais tout le monde. Bah oui. J'allais y venir quand on avait parlé du casting, mais effectivement, je baise aussi les Klingons. C'est un problème. Avec leur grosse voix et leur façon de prononcer. Surtout les Klingons. Alors, je suis pas du tout sponsor, mais sur Duolingo, vous avez un cours de Klingons. Oui. Ah bah, justement, j'ai commencé à le faire pour rigoler. Oui. Non, je me demandais, est-ce que c'est un truc qu'ils ont conservé, ça, le langage Klingon? Oh oui, beaucoup. Oui, beaucoup, parce que ça, c'est toujours un truc qui m'a fasciné dans Star Trek, c'est cette étrange fascination, enfin, la vivacité, voilà, le fait que les gens se prennent la tête plus que pour d'autres univers, je sais pas, moi, le Seigneur des Anneaux, où il y a Tolkien qui a créé un langage, j'ai l'impression que le Klingon, c'est peut-être le langage imaginaire le plus populaire qui existe dans toute la pop culture. Il y a un énorme respect du Klingon dans la série. Il y a des personnages qui vous parlaient que Klingon, d'autres qui sont bilingues. Les acteurs ont tout appris, en phonétique je pense, mais ils ont tout appris avec l'accent. Oh, et Netflix a été jusqu'à te faire une version sous-titrée Klingon de la série. Tu peux regarder Discovery sous-titrée en Klingon. Mais en plus, ça sonne super bien le Klingon. Et ça sonne, ouais, ça sonne attends. Mais comment ils font quand les personnages se disent bonjour? Bah, c'est une adaptation puis traduction, du coup c'est comme quand tu fais en français ou quoi, enfin, sauf que là ils peuvent pas dire bonjour. Enfin, ils disent c'est écrit va chier. Mais je me suis toujours demandé pourquoi cette langue plus qu'un autre. Je sais pas s'ils ont poussé le truc plus loin que dans les autres langues, ils ont créé plus de mots, mais ça m'a toujours fasciné le fait que les gens se... J'ai vu il y a pas longtemps là quelqu'un qui avait sorti l'adaptation du Petit Prince en Klingon. Oui. Je crois que le corpus de mots est peut-être moins gros que pour certaines langues de Tolkien, parce qu'il n'a pas tout développé. Oui, parce que t'as pas joyeux anniversaire, t'as pas bonjour, t'as pas merci, t'as pas. T'as pas le petit mot doux. Mais je crois que certaines langues de Tolkien sont quand même plus développées que le Klingon en termes de vocabulaire et tout, de corpus, plus de texte et tout. Mais Star Trek, c'était quoi, les années 70-80, les gros nerds, enfin, déjà ceux qui ont bouffé tout Tolkien avant, ils se sont lancés là-dedans, ils s'y sont mis à fond. Et ça a été une grosse vague, je crois, Star Trek, n'empêche, avec les premiers films. Ouais, les nouveaux films de... La hype était longue, ça a duré 20 ans, quoi, enfin... Ouais, mais genre, par exemple, j'ai pas vu de truc équivalent quand les films du Seigneur des Anneaux sont sortis. Alors que le Klingon, j'ai l'impression que c'est jamais mort, en fait. C'est toujours resté. T'as des dictionnaires pour la langue elfique, d'ailleurs, je crois qu'il y en a plusieurs. Le truc avec... le truc avec les langues de Tolkien, c'est que aujourd'hui, et notamment déjà à l'époque où les films sont sortis, on avait déjà versé un petit peu dans le côté académique du truc. C'est-à-dire que j'ai chopé un bouquin, c'est pas sur les elfiques, c'est pas... Oui, moi, le bouquin que j'ai chopé, c'est juste sur les langues des méchants. Et le machin, il est déjà épais, je crois qu'il doit faire déjà 200 pages, un truc comme ça. C'est quasiment que du texte, t'as pas de grosses images, et c'est écrit par un universitaire, linguiste, machin. Enfin, ça a très vite été hyper intellectualisé, alors que le Klingon, bah... C'est pas pour s'en moquer, mais c'est plus rigolo de se dire, tiens, le petit prince en Klingon, what the fuck, quoi. Voilà. Je pense que c'est plus facile aussi, hein, parce que l'elfique, il y a 40 000 sortes. Ouais, il y a le Kenya, je crois. Enfin, il y a déjà ces deux-là, et puis dans ces deux-là, il y a plein de variations, il y a plein de mots. Puis c'est son boulot en plus, la Tolkien, c'était ce qu'il faisait, il était linguiste. Oui, voilà, c'est pour ça, le mec, il s'est dit, je veux faire une langue, je vais la faire à donf, ouais. Et je vais pas en faire qu'une, je vais en faire plein. Et puis, c'est fait d'une façon académique. Alors, le Klingon, je sais pas comment ça a été construit exactement, mais en tout cas, impressionnant. Voilà. Le Klingon sans bonjour, parce que c'est pas dans leur philosophie de dire bonjour. C'est des mecs, ils ont pas besoin de dire bonjour. Ils rentrent dans une pièce, ils disent pas bonjour. Ils ont le front froncé là, ils ont des gros sourcils. Non, tu dis pas bonjour. Pas besoin. Mais c'est un style de faiblesse, tu sais. Si tu dis bonjour, c'est que c'est toi le dominé. Je crois qu'il y a des mots qui n'existent pas en Klingon justement pour ce genre de délire. Ça, c'est assez rigolo. Ils ont 178 mots pour guerre. je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Je pense que la réappropriation du Klingon par les fans, c'est aussi dû au fait que c'est une série qui va être visuelle. Hein. C'est quelque chose qu'on voit et contrario de Silence des Anneaux, finalement c'est un livre, donc pour tout ce qui est prononciation, c'est tout de suite plus compliqué, je pense. Et au-delà de ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais les fans de Star Trek dans les années 60, c'est surtout composé, 70 surtout, composé de femmes. Hein. Et je pense que les femmes ont toujours été plus motivées que les hommes dans les fandoms. D'ailleurs, et voilà. Intéressant. Mais les premières fanfics qui ont été popularisées, c'était avec Star Trek, des femmes qui faisaient des fanfics Star Trek. C'est de là que vient le terme Marissou et tout. J'espère qu'elles étaient écrites en Klingon. Tellement balancé, ça a été créé par une femme et tout, parce que c'était dans une fanfic Star Trek. Il y avait quelques exemples de fanfics un peu plus tôt dans l'histoire, mais vraiment les fanfics de Star Trek, c'est ce qui a vraiment tout le fandom de Star Trek, c'est aussi ce qui a lancé les fanzines, hein, donc ces magazines de fans, ça vient vraiment de là, hein, c'est quelque chose d'assez impressionnant, hein. D'ailleurs, Paramount et CBS ont tenté pendant des années d'arrêter ça, mais c'était vraiment au-delà de leur force, hein. Vraiment, les fans étaient incroyablement déchaînés. Non mais elles étaient superbes parce qu'elles se faisaient des séances chez elles des screenings des projections, là je vais y arriver, et c'était assez impressionnant, hein. C'était vraiment la série, hein, pour la gente féminine finalement, et c'est vraiment cool de voir. De façon générale, pas même par rapport à, enfin même pour les hommes, je veux dire, c'est qu'on a, il y a eu Star Wars, mais c'était un film tous les 3 ans et après marre. Ouais. La force de Star Trek, c'est que tous les jours, toutes les semaines, t'avais ton épisode. Donc ça s'arrêtait pas. Le train de la hype ne s'arrêtait dans aucune guerre. 30 épisodes de la saison. C'est ce que j'allais dire aussi par rapport au Seigneur des Anneaux. L'elfique, tu l'entends pas beaucoup. Et t'as surtout pas eu beaucoup de contenu du Seigneur des Anneaux. C'est vrai que dans les bouquins, il est peu utilisé. Même l'elfique dans les bouquins, il est peu utilisé, je crois. C'était des séries, c'était des trucs comme ça, donc t'avais beaucoup beaucoup de contenu, alors que le Seigneur des Anneaux, au final, t'as pas grand chose, t'as quoi, 2-3 dessins animés, puis plus les films. Alors, par rapport à l'afflux de d'épisodes et tout comme ça, moi, peut-être me trompe, mais moi j'avais entendu dire que la série originale avait pas eu méga succès, qu'elle avait eu juste 2, et que c'était revenu après, en fait. À la base, quand le truc était sorti, ça n'avait pas explosé direct. Non, mais en fait, la hype, elle est revenue après, principalement, mais il me semblait que, justement, au début, alors après, j'ai lu ça il y a longtemps, peut-être que j'ai dit des grosses conneries, mais je suis désolé, c'est le cas, mais il me semblait justement que la hype, elle s'est construite au fur et à mesure, mais n'empêche que les premiers fans, c'était des femmes, justement, qui se réunissaient pour en parler et qui enregistraient sur cassette. Bon, pour le coup, les enregistrements, c'était un peu plus tard dans l'histoire, hein, parce que à la fin des années 60, il n'y a pas encore de VHS, tout ça, mais c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et oui, effectivement, en fait, la série va prendre, il me semble, hein, va prendre un peu au fur et à mesure des années du galion, hein, et finalement, va être repassée, la série originale va être repassée quelques années plus tard. Et c'est là où justement ça va. Pourquoi je rigole ? Et c'est là où justement ça va exploser vraiment, il me semble que c'est ça. Oui, non, c'était juste par rapport. Je m'interrogeais sur le fait de dire qu'il y avait plein d'épisodes qui venaient pour réalimenter la hype. Parce que là, justement, j'étais en train de regarder entre Star Trek, entre la série originale et The Next Generation, il y a eu presque 20 ans où il n'y a rien eu. Donc c'est les fans qui ont fait vivre le truc, en fait, plus que les séries qui venaient apporter du contenu. Il y a eu les films aussi, hein. Oui, les films, oui. Et il y a une série animée aussi, je sais pas quand est-ce qu'elle sort, mais il y a une série animée avec les acteurs de la... avec la voix des acteurs de la première série. Pour refermer vite fait sur la chronologie, parce qu'on en parlait un petit peu avant, on se disait, bah, du coup, ils ont commencé avant la série originale, et c'est bien parce qu'ils ont pas eu de frein, du coup. Mais il y a un élément, et c'est surtout en saison 2 qu'il apparaît, je crois, ils ont repris un élément qui était dans la série originale et qui était justement dit, bah, ça, c'était avant, c'était l'ancien capitaine, machin et tout. Et c'est dans les tout premiers épisodes de la série originale, et ce petit truc, qui aurait pu être oublié, ils l'ont réutilisé dans Discovery et d'une façon formidable. Et pour le coup, bah, même si tu connais rien à Star Trek, même si tu l'as pas vu, bah, ça passe crème, ça marche très bien. Et au contraire, une fois que tu as fini la série, ou en plein épisode, tu vas aller sur ton téléphone pour essayer de voir qui c'est ce mec. Et c'est juste très très cool. Petit ange parti trop tôt d'ailleurs de la série. Mais non, mais laisse-moi espérer aussi. On a perdu tout le monde, ils sont morts. Non, ils sont pas morts, mais. Ils sont plus dans le même. Il y a un truc qui se passe à la fin de la saison 2. Non, mais je parlais des. Je parlais d'Adrien et de Ximut que j'entendais plus. J'ai l'impression qu'ils étaient plus là. Mais non, oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Mais n'empêche que c'est pour le coup un élément repris de la vieille série. Bah, il y en a un deuxième qui est repris. Oui, en plus, on a beaucoup mais... géré au début, au final, ça passe. En plus, c'est. Pardon, vas-y. Par rapport à Pike, du coup, c'était super sympa parce que c'était jamais expliqué, c'est bien ce que tu m'avais dit, hein. C'était jamais expliqué dans la série originale ce qui lui arrivait. C'était comme ça, mais on savait pas pourquoi. Et du coup, c'est bien aussi pour les fans de cette série-là d'avoir enfin une explication qui en plus rend le personnage ultra attachant. Ils en ont fait un personnage magnifique et limite ça aurait été juste une petite anecdote comme ça glissée dans cet épisode de série originale, un petit truc rapide quoi, vraiment un truc de nerd pointu quoi, et ils en ont fait un truc, enfin un personnage formidable, complet, attachant. Juste peut-être contextualiser, parce que Pike finalement c'est un personnage qui arrive en saison 2 de Discovery, mais c'est aussi le personnage principal du pilote de la série originale, donc c'est un personnage qu'on va voir très très peu dans la série originale, mais qui va être présent. Et comme Discovery se passe avant la série originale, et ben il apparaît dans Discovery, il est un personnage de Discovery. C'est le meilleur capitaine de tout Star Trek. Hein. J'ai rien à foutre, je le dis maintenant. J'ai pas vu les autres séries, mais c'est le meilleur. C'est vraiment le pur capitaine de Star Trek qui est vraiment. Il est beau. le héros. Moi je demande un reboot de la série originale et on dégage Shatner, enfin on remplace par Pike. On dit que Kirk n'a jamais existé, que ça a toujours été Pike et c'est lui. Et tu fais des deepfakes. Il finit pas très bien, le pauvre Pike d'ailleurs, dans la série originale. Quoi? Il finit pas très bien, Pike, dans la série originale d'ailleurs. Non, clairement. Oui, mais justement, c'est ça que je disais qu'ils expliquaient dans Discovery. Parce qu'on voit un peu expliqué dans la série originale dans un épisode, mais. Ouais. Oui, il y a un mec qui te dit arriver ça, c'est tout, quoi. Oui, on voit ce qui s'est passé pour qu'ils viennent comme ça. Dans la série originale. Dans la série originale, oui, tu vois un peu ses souvenirs, mais tu sais pas tout le contexte de comment et ce qui a mené à ça. T'as rien, t'as pas regardé. Ouais, bah en vrai, tant mieux parce que j'ai rien compris, donc. Voilà, mais c'est justement ce que je trouvais sympa pour les fans de la série originale, parce que justement, ils avaient ce trou un peu là de qu'est-ce qui s'est vraiment passé autour de Pike, qui est bien expliqué et qui est bien fait dans Discovery. D'accord. Oui. Mais du coup, est-ce qu'il faut être un gros trekkies pour kiffer Discovery? Être gros, ça marche. Moi, ça marche en tout cas. Est-ce qu'il faut être un tricky de ouf, un giga nerd de Star Trek pour kiffer? Clairement, jusqu'à présent, on n'a pas fini, mais non, clairement pas. Enfin, je pense. Mais tu veux dire quelque chose, je crois, Adrien? Ouais, alors j'ai l'exemple parfait, l'exemple type qui répond à ta question, mon cher Matt. Finalement, dites-vous que ma mère, qui à la base n'est pas une grande fan de... Ma mère qui a 58 ans, hein, qui n'est pas une grande fan de SF ou quoi que ce soit. Ni de Macron, d'ailleurs. Ni de Macron. Ni de Macron. Elle, elle a regardé Discovery, elle adore Discovery. Donc, Je suis désolé, on n'est pas dans USS Génération X ici, s'il te plaît. Ouais, puis je croyais qu'on avait dit pas les mamans. Alors, alors ma mère, c'est la seule boomer que j'écoute. Il a tous ses disques. Mais du coup, il faut clairement pas être un fan de Star Trek pour kiffer. Mais je pense qu'on l'a dit dès le début, hein, on a tous quasiment rien vu. Oui, pourquoi tu reviens là-dessus? Parce que je veux enchaîner. Je veux enchaîner. Et du coup, pourquoi c'est kiffant? Est-ce que c'est pas cheap déjà, simplement? C'est carrément pas cheap. C'est beau. Il y a du budget. Il y a un budget de ouf, c'est vraiment beau. Aussi bien au niveau des effets pratiques, je trouve qu'ils sont assez. Ils sont réussis. Enfin, le maquillage, ils sont malades. Ouais. Oui, dans le. Dans les... Il y a le mec préféré de Guillermo del Toro, là, celui qui le poisson. Oui, donc, oui, bah ça c'est au niveau. Oui. Le poisson qui n'est pas dans le poisson qui Hellboy. Mais oui, non, mais j'allais venir au casting. Alors j'allais venir avant, mais vous m'avez niqué tout mon plan, mais c'est pas grave. Mais Doug Jones, ouais, c'est le. Comme le poisson qui baisse. Mais c'est Doug Jones, c'est le. Enfin, c'est le. Oui. Il fait aussi le faune dans Labyrinthe de Pan. C'est le gros pote à Guillermo del Toro. Et il baisse pas du tout, mais faut faire gaffe. Non, mais si t'as besoin d'un mec en costume, c'est The Actor, quoi. Si t'as besoin d'un personnage principal ou secondaire, mais qui porte un masque ou en tout cas un maquillage, c'est le mec que t'appelles. Hein. Il a joué dans tellement de trucs comme ça, maquillé. Et là, bah, c'est quoi? C'est un second rôle, on peut dire, carrément. Ah oui, mais c'est un des rôles principaux, même. Rôle principal, oui, clairement. Oui. Hein. Encore plus en saison 2, mais oui, c'est un rôle principal. Mais même les maquillages, on en parlait des Klingons. Ils sont juste ouf. Ouais. Ils sont juste ouf. ils sont BG, mais ils sont très, très réussis. Ouais. Oui. Sans vouloir spoiler, il y a pour deux personnages, un personnage Klingon et un personnage humain qui ont été joués par le même acteur et j'aurais jamais deviné. Ah, c'est qui? Ah là là, on y vient après. Non, ça c'est drôle. Taisez-vous. Mais est-ce que je pourrais juste émettre quelque chose? Oui. Émet. J'avoue que même si je trouve la série magnifique, le maquillage extraordinaire, tout ça, que je la trouve un peu cheap quand même au niveau des effets spéciaux. Et que je trouve ça génial. Mais si tu veux niquer mon plan, ils sont pas cheap en plus, je suis désolé. Non, c'est pas cheap. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment une vibe. En fait, pas cheap dans le sens où vous m'avez fait, mais cheap dans un feeling old school. Ouais, il y a un feeling cheap que moi j'aime trop. Et, oui, en fait, il y a kitsch un peu, oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Parce que vous l'avez pas vu, mais moi, comme j'ai vu la série originale, je me dis qu'il y a vraiment, enfin, juste le fait de voir quelqu'un s'asseoir sur le fauteuil principal du pont, pour moi c'est cheap parce que je vois Shatner le faire dans la série 69. Et du coup, je trouve ça génial. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Je pense que tu te trompes de mot, c'est pas cheap, c'est kitsch, du coup. Ouais, kitsch, ouais, oui, c'est ça. Kitsch, cheap, ça veut dire que c'est... Bah, je trouve que certains effets sont pas... Merci, c'est sympa. Je me casse de ce podcast, c'est bon. Je m'en vais. Non. Je suis parti. T'es le seul qui connaît le sujet, reste. Je reviendrai pas. En tout cas, c'est trop bien. Et vraiment, c'est une série qui est géniale. Je te rends. Du coup, je vois ce que tu veux dire, Adrien. On va y revenir un poil plus tard, je pense. Mais je vois ce que tu veux dire. Juste rapidement pour les costumes, les maquillages. Ouais, donc ça, c'est ouf. Les costumes, enfin l'uniforme de USS Discovery est super cool. Je m'attendais au vieux pyjama habituel. Je me disais bon, bah je vais faire un effort, mais bon, voilà, je m'attends pas à un truc de malade. Ça, moi, un pyjama comme ça, j'en veux plein. Hein. Par contre, j'ai une question par rapport à ça. Oui. J'ai une question par rapport à ça. Pourquoi ils sont pas rouges, jaunes et bleus? Alors apparemment, chaque vaisseau a son uniforme. C'est un peu au choix du capitaine, un délire comme ça. On sacrifie personne dans le Discovery. Oh, c'est trop bien. Je crois que c'est propre un peu à chaque vaisseau. Alors, c'est parce que c'est un vaisseau scientifique et que c'est différent. Alors, si vous êtes un gros trekkie et que vous écoutez cet épisode, répondez-nous sur Twitter pourquoi l'uniforme est différent. Alors, en sachant que on en a parlé, mais Pike, effectivement, se pointe dans la saison 2. Il débarque de l'Enterprise, forcément. Et là, lui et tout son équipage a encore, justement, l'uniforme à l'ancienne. Alors, un petit peu... modernisé, hein, parce que c'est quand même une série de 2017, il ne faut pas déconner, 2018, mais il porte quand même cet uniforme-là. Et quand il finit par rester un petit moment sur le Discovery, il change d'uniforme. Donc c'est vraiment un truc lié apparemment au vaisseau. Et c'est drôle d'ailleurs, parce que j'ai vu l'épisode avant-hier, où justement on voit Pike pour la première fois, et il se vante un peu en disant, regardez, on a des nouveaux... Ah oui, ils ont les nouveaux uniformes. Ah oui, il y avait cette histoire-là. Alors, est-ce que les uniformes bleus, les nouveaux, bah, c'est les anciens, mais ouais. Bah, du coup, on saura pas, je sais pas, peut-être qu'on saura plus tard, mais en tout cas, cet uniforme-là, le bleu avec les petites insignes Starfleet tout le long, là, les petites bordeaux, petites plumes dorées, là, il est vraiment très très cool. Même le design général, le vaisseau, le Discovery est superbe, les créatures, l'espèce de créature là qui baigne dans le liquide noir, là, vous voyez l'ennemi juré, ouais, c'était flippant. Franchement, il y avait un truc vraiment ça, un feeling. Dans la saison 2, non, non, je non. Ah peut-être. Si c'est dans la 2. Moi, ça me dit rien. Ah bah saison 2, alors je confonds avec un autre épisode dans la saison 1. Ouais, mais bref, ça c'était vraiment réussi. Et alors, anecdote dont tout le monde va se foutre, je sais pas si quelqu'un a vu ici l'émission Face Off un jour. Non. Ça me dit rien. Non, mais on s'en fout. C'est, voilà, on s'en fout. Rapidement, ça devait être diffusé sur numéro 23 à l'époque, je crois. C'est une sorte de. Alors c'est du Top Chef. Du maquillage. Ça, c'est des mecs qui font des maquillages de monstres, de séries, des trucs comme ça. Et en gros, c'est Top Chef, simplement. Et l'un des jurés de cette émission, un peu, bon, c'est pas que c'est naze, mais il y a un petit côté, voilà, tu sens que c'est Top Chef avec des monstres, quoi, en latex. L'un des jurés de cette émission, bah, il se trouve que c'est le mec qui a pondu le design et les maquillages des Klingons de Discovery. Oui. Voilà, rien que ça. Sur le CV, ça. Ça envoie un peu du pâté, c'est plutôt cool. Mais sinon, oui, les effets numériques sont super cool aussi. Enfin, pour une série, je trouve, une série CBS, je ne sais même pas si Netflix a mis des ronds dedans, mais vu qu'ils diffusent, j'imagine un peu. Ils diffusent en Europe. Mais ah, d'accord, donc ils ont juste acheté les droits pour l'Europe, donc ouais, a priori, ils n'ont pas mis de blé dedans. C'est ça, parce qu'en Amérique, c'est diffusé sur CBS Access. Ou CBS d'accord. Access, ou je ne sais plus quoi. Bah, voilà, tu sais ce que tu dois faire maintenant, Ximinute, hein, CBS Access. Ouais, non, le Canada, ils ont un truc encore différent. Alors putain, ils commencent à faire chier, à multiplier les services de VOD là. Ça, ah, n'importe mais canadiens, si vous les écoutez, vous faites chier. D'ici ouais, voilà, ouais, c'est exactement ça. Mais du coup, non, mais enfin, les effets numériques, je trouve qu'ils ont du niveau pour une série quoi. Pour une série CBS, c'est franchement du bon niveau. Il y a peu de plans au final où tu te dis vraiment, oh, putain, c'est cheap quoi. Il y a des petits moments où tu sais, tu vois les effets et t'es genre ah c'est ouais, rigolo tu vois mais je, comme disait Adrien, je me demande si c'est pas voulu, tu sais, comme non, je pense bon. pas tout le temps je sais pas, je me demande si c'est pas un peu comme ces films où on trichait un peu sur leur animation, comme je crois Spider-Verse ou Lego Movie, on trichait un peu sur un truc pour donner un autre feeling. Mais non, genre, tant qu'on parle d'effets cheap, Est-ce qu'ils font des moments où ils se font tirer dessus et en fait c'est les acteurs qui bougent comme ça et ils agitent l'image pour faire genre ils se prennent des coups de laser dans la face. Parce qu'il y avait notamment une, je sais pas si vous aviez vu, il y avait un truc très très rigolo où ils utilisent une technologie qui permet de stabiliser les images. Ils montraient des vieilles images de Star Trek The Next Generation où on voit le casting qui est genre qui a plus l'air d'avoir la maladie de Parkinson que d'être en train de se faire attaquer. Et c'était vraiment très, très rigolo. Donc, j'espère qu'ils ont fait un hommage à ça. On ne shame pas les gens qui ont la maladie de Parkinson. Je, effectivement. Voilà, c'est pas bien. Mais je pense pas vraiment que le pont, ça soit verra. Je sais pas. Je pense qu'ils ont... C'était mieux fait, forcément, qu'à l'époque. Mais je pense pas qu'il y ait le budget de faire un truc sur verra et tout. C'était le cas sur Star Wars aussi, hein, où la scène de Empire Strikes Back où justement ils sont sur l'espèce de d'alien dans l'espèce d'alien avec le faucon quand tu sais ça secoue, j'ai vu des images où l'image est stabilisée et c'est hilarant quoi. Harrison Ford et Carrie Fisher qui on dirait ils sont bourrés, c'est juste... Ah mais là pour le coup je croyais que dans l'épisode 5 ils avaient vraiment le cockpit qui bougeait avec des vérins, des trucs comme ça. C'était pas dans le cockpit, c'était dehors, tu sais, sur même dans le cockpit. Ah oui, quand ils sont dehors, oui. Oui, okay. Mais dans le cockpit, dans le premier, ils se jettent un peu sur les parois. Hein. Ah ouais, dans l'épisode 4. On a vu des sortes de behind the scenes ou trucs comme ça où tu les vois qui se regardent puis ils se mettent au pied synchro à partir de maintenant, vous bougez. Du coup, ils font dans son sens. C'est vrai. Non, mais en tout cas, c'est pas du cheap de ce genre-là. Alors, c'est peut-être plutôt dans la direction artistique, j'ai envie de dire. Parce que si oui, vous voyez la, l'animation de. Pas le warp, hein, pas la distorsion, mais le moteur fongique, là, l'espèce d'animation, le vaisseau tourne sur lui-même. Oui, il faudra que tu voyes la série, c'est un délire, toi aussi. Ouais. Mais la petite animation où le vaisseau il tourne sur lui-même avant d'être téléporté ailleurs, c'est bien fait. Mais tu te dis, ils auraient peut-être pu faire ça autrement, tu vois. Mais non, il y a un petit côté un petit peu rétro dans l'esprit, je veux dire, de la technologie. Bien, ça rentre bien. Moi, je parlais de des fois, par exemple, il y a un moment où elle est sur un endroit avec des roches très escarpées noires et elle est en train d'escalader ou descendre, je ne sais plus, et tu vois des petits défauts des effets numériques. C'est pas gênant. C'est pas techniquement. Moi, je parlais dans l'attention. D'accord, oui. C'est un charme, justement. Je sais pas toi. Ouais, ça te fait sourire, quoi. ça me dérange pas non plus. Mais je crois que tu voulais parler dans l'intention déjà de base de vouloir faire un truc. Ah, alors, bien fait, mais un poil vieillot pour rester dans l'univers, si tu veux, pour coller à l'univers ou. Non, moi j'ai rien trouvé vieillot. Justement, je trouvais que tout marchait ultra bien et que c'était ultra agréable à regarder. Mais moi, je trouve que c'était des idées un petit peu. Pas rétro, pas vieillot, mais comment dire, des idées un petit peu à l'ancienne, si tu veux, mais à chaque fois brillamment réexploité et utilisé de façon moderne. C'est, j'ai vraiment l'impression de voir un vieil outil restauré, si tu veux, ou un truc comme ça, ou une réinterprétation d'un vieux truc, mais c'est brillant, c'est juste brillant. Tu vois que ça veut garder une teinte ancienne, si tu veux, garder le feeling de la première série ou des premières séries, et en même temps, tout est brillamment moderne, c'est vraiment ça qui m'a scotché peut-être aussi à la série, c'est que tout marche très bien et la musique est folle. Du coup, il y a justement dans le thème, peut-être que Grushkov pourrait nous en parler davantage, mais le thème d'intro, il reprend, je crois, une partie du générique original. Attends, j'ai pas réécouté, donc on discute un peu pendant que. Donc c'est le thème, il est plus parce que. Pour le coup, s'il y a un truc qui était vraiment génial, c'était le nouveau thème qu'ils avaient concocté pour les films d'Abrams. Il est terrible. Donc c'est plus, c'est plus vibe série originale ou plutôt vibe J.J. Abrams, symphonique et tout. Le thème original est un peu, années 60, on essaye des instruments électroniques un peu bizarres. Il n'y a pas de Térémine, je crois aussi, ou j'en sais rien. Mais ce thème-là, il est quand même très moderne, je trouve. Le générique, alors j'ai plus toute la BO de la série, mais toute la BO est folle. Ça marche vraiment très bien tout le long, je trouve. Et le générique, il a à la fois un côté, il absorbe bien, je trouve il représente bien le côté vaisseau d'exploration, vaisseau scientifique, parce que c'est ce que le Discovery, c'est un vaisseau qui va aller explorer, qui va aller découvrir, qui va tester des nouvelles technologies, qui va essayer d'en découvrir d'autres. Ouais, ça c'est plutôt explorer et découvrir, c'est le truc de base de Star Trek. Hein, de base déjà, mais je veux dire, ce vaisseau-là, c'est clairement dit, c'est un vaisseau scientifique, c'est son rôle. Hein, oui, mais justement, il est moins dans l'exploration, celui-là, normalement. Et bizarrement, il est moins, mais... Mais à la base, ce vaisseau est quand même scientifique. C'est l'exploration de la science. C'est un vaisseau scientifique. C'est, oui, c'est l'exploration. Oh, c'est joli. Mais le générique a ce côté un petit peu. On va en avant, si tu veux. Recherche, technologie, machin, découverte, exploration. Il y a un côté assez en ballant comme ça, assez. Justement, c'est intéressant là, ce que vous dites tous là, sur l'exploration et tout, parce que moi, c'est un truc que j'ai. Je savais pas vraiment que c'était le thème principal de la série originale et tout, l'exploration, l'étude scientifique. Mm-hmm. Et pour le coup, c'est un truc que je trouve qui est un petit peu passé à la trappe éventuellement des films du reboot de 2009. Mm-hmm. On y revient un peu là. Il y a bien un bout de la musique originale à la fin du. C'est ça que oui, c'est là que je à la fin de quoi du film ou de l'opening de Discovery. Ouais. Oui, c'est là que je voulais en venir, c'est que tout le long t'as quand même le thème propre à la série ou alors vraiment t'as ce côté recherche machin. Moi je trouve qu'il est assez humaniste, en plus t'as ces images avec des mains qui se touchent machin, des gros gants de cosmonautes qui se touchent. Il y a un petit côté renaissance un peu dans l'esprit, même visuel, enfin graphiquement il y a un petit côté renaissance, mais genre la Renaissance dans trois millénaires, quoi. De Da Vinci, tu vois. Voilà, clairement, il y a ce côté-là. Mais genre, si Da Vinci avait vécu à l'époque de Star Trek et avait tout autre outil que son fusain et un bout de crayon, enfin un bout de papier, ouais. Quoi. Il y a ce délire-là, c'est vraiment Renaissance, humanisme, transhumanisme, recherche et tout dans le thème, dans la musique, dans les images. Et à la toute fin, quand t'as le nom du créateur original de la série, on te balance quelques notes de la série originale. Et ça marche faire, juste trop bien. Vas-y, je t'en prie. Ne le coupe pas. Ah, désolé, c'était... J'ai pas pu m'en retenir, c'était tellement inattendu. C'était beau. Merci. Mais du coup, voilà, clairement, le budget est mis à tous les niveaux. Quoi. C'est visuellement, c'est ouf, la musique est folle, les maquillages, il y a vraiment... Je sais pas d'où il sort toute cette thune pour une série. Je sais pas, alors, vu que vous avez vu Picard, Tuki et Grushkov, est-ce que c'est du même niveau? Ça a l'air d'être au-dessus. C'est en dessous, c'est en au-dessus. Discovery est bien mieux. Picard, c'est vrai. Ah ouais, Picard, c'est plus traditionnel, je dirais. Elle est bien, hein, Picard. Mais t'as pas tout l'aspect. Moderne que. Ouais, et. Comment ça s'appelle? Je sais pas comment le dire. Woke. Ouais. Non, mais moi je vais demander pour l'instant juste en termes de budget. Est-ce que c'est aussi balèze? Est-ce que c'est un peu en dessous? Est-ce que c'est aussi bien fait visuellement, la musique et tout? Je comprenais pas au début pourquoi tu fais non. C'est. Non, moi je disais par rapport au. Le traitement et tout, mais visuellement, Picard est ultra bien aussi. Et en plus, Picard se passe en partie sur la Terre à un moment, donc ils ont super bien intégré la SF dedans et tout, je trouve. D'accord, oui, ça fait pas. On a pris des stock shots de Los Angeles, on a foutu par-dessus un vieux modèle 3D. Déjà, ça se passe en France. Oh, yeah, bah, excuse-moi, Rungis ou Montargis, hein, c'est pas mal. C'est dans les. Ça fait rêver. Dans les châteaux. Moi j'avais l'impression quand même que Picard avait l'air d'être plus joli que Discovery. Oui. Bah après, c'est les goûts, les couleurs, tout ça. Alors, moi, après, c'est peut-être à cause des thématiques, mais de ce que j'en ai vu, ça m'emballe moins. Ça a l'air plus sombre, un peu plus. Ouais. Pessimiste. Pessimiste, voilà, carrément. Ouais. C'est moins joyeux. C'est que le début. Je dis c'est que le début, mais je viens de me spoiler un truc et c'est vrai que la fin est pas forcément la plus rigolote de tous les. C'est que le début, on a vu la moitié, c'était quand même dark. Hein. En tout cas, c'est bien aussi quoi. Ça c'est. Il y a pas de. En fait, ce que j'aime bien dans Discovery, c'est que ça fait très jeune. T'as vraiment le truc de partir à l'aventure, de découvrir plein de trucs, et t'as quand même des enjeux importants, que ce soit au niveau éthique ou politique, et trucs comme ça. Picard, c'est plus cynique dans le sens où tout s'est pas passé comme prévu. D'accord. Il y a une série optimiste et une un peu plus pessimiste, ça c'est. Ah, quand même, dans Discovery, moi je trouve que les trucs sont plus tristes. Je veux dire, déclenche une guerre. C'est la guerre n'empêche, mais. Il y a quelqu'un qui a son amoureux. Qui oui, est... mais est-ce qu'il n'y aurait pas un peu plus, d'espoir? Alors, cite-moi un truc heureux dans Picard et un truc heureux dans Discovery. Bah, dans Discovery, je peux pas. Il y a des gens qui s'aiment. Il y a des romances, il y a des trucs très drôles. Alors oui, il y a plein de trucs très tristes dans Discovery, mais il y a pas mal de choses qui se passent bien aussi. Moi, il y a Tilly, donc rien que ça me rend joyeux. Il y a Elnor dans Picard. Elnor. Les Guinness qui chiennent derrière. Celui avec son épée. Oui, mais voilà, c'est pas très joyeux non plus. Hein. Bah, si, c'est joyeux. C'est joyeux. Battez-vous. Tu tues des gens et tout. La communion. Oh merde, j'aurais dû faire l'intro de l'épisode en Klingon, je suis en train de me dire. En fait, t'as plein de moments. Il y a des trucs très durs dans Discovery parce que ça aborde des thèmes assez difficiles comme les traumas. Il y a les épisodes qui arrachent des larmes aussi. Hein, ouais, les deuils, plein de trucs comme ça. Mais t'as quand même beaucoup d'optimisme et de. Clairement, oui, je trouve. D'épisodes où tu te marres et tu te marres pas vraiment devant Picard. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'humour dans la série. Et, ouais, mais. Mais Picard, je dis pas que c'est moins bien, hein. Je dis que c'est pas du tout la même approche parce que justement, je trouve que l'avantage de Discovery, c'est que ça se passe loin, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent, alors que Picard, c'est vachement d'actualité. Ça se passe loin, mais dans le passé, enfin dans le futur, donc tout s'est déjà passé avant, et, ouais. Et apparemment, ils n'ont plus pas de dire que ça s'est mal passé, donc enfin... Est-ce que c'est pas aussi une volonté d'avoir une série, on va dire, pas moderne, mais jeune en tout cas, enfin voilà, ouverte, optimiste un petit peu, avec de l'espoir, avec des thèmes très, très woke, très, très milléniaux au final, et une série un peu plus pessimiste pour les vieux fans qui commencent un petit peu à prendre de l'âge et qui veulent juste retrouver Picard. Et puis, En plus, je trouve que Picard, elle est assez audacieuse aussi hein, par rapport aux vieux fans, je pense, parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont remis en question, notamment au niveau de Starfleet et de la Fédération et tout ça. Ce qui est justement assez surprenant, parce que moi, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit ce parti pris-là. Et ce qui est beau dans Picard, c'est la naïveté de Picard lui-même, parce qu'il est vieux, c'est quand même. Mais il est toujours aussi, tu sais, optimiste. Et toujours voilà, alors qu'est-ce que tu me racontes? J'allais demander si Picard, c'était le Luke de l'épisode 8, vis-à-vis de Starfleet. Enfin, non, t'avais l'air de dire que... Non, parce qu'il est pas tout à fait. Des fois, mais il n'est pas abattu. Il est non, il a il est pas résigné. C'est le Luke, il est pas résigné. Fin de l'épisode 8. D'accord. Ah bah, c'est pas le plus mauvais Luke. Non, Luke, il a quand même ce côté un petit peu je suis un badass, tu sais, enfin Picard est très tendre. C'est vraiment, tu te dis pourquoi c'est pas mon grand-père quoi. Seul vieux vous supporter. Moi c'est pas possible, le mien c'est James May. Donc je peux pas en avoir deux. Moi, mes papas, du coup, c'est Ian McKellen et Patrick Stewart. Une petite différence d'âge, quand même, pour être des papas de... Eh ben, ils m'ont adopté très tard. Je les aime quand même. Xenu, je veux profiter. Est-ce que tu as des questions? Depuis tout à l'heure, tu nous écoutes. Oh non, non, j'ai pu les poser un peu quand elles me venaient, les questions. Donc, non, non, pour l'instant. Est-ce qu'à ce stade, tu as envie de voir la série en demandant à ton oncle français de t'envoyer tes séries? Ah, mais ouais, ouais, c'est juste que je lui fais pas confiance à ce stade. Mais non, non, non, j'ai vraiment envie de le regarder, ce truc. Mais je vais me débrouiller pour faire un peu de ménage dans les souscriptions VOD pour essayer de trouver des trucs que j'ai vraiment envie de regarder parce que ça a vraiment l'air sympa. Et puis en plus sur le truc canadien où ils ont Discovery, ils ont aussi Picard, donc je pourrais regarder les deux. Ah bah tu pourrais faire total. Je pense que ça vaut le coup. Ah, du coup c'est bien en fait. C'est bien, mais pourquoi c'est bien? Parce que allez hop, ça suffit maintenant. Bah, le droit, non. Non, je vais les comprendre. Les thèmes abordés par la série, est-ce que c'est pas pour ça que c'est bien? Si. Les personnages sont ultra bien écrits. T'as pas un seul personnage qui est juste là pour faire figuration, je trouve. Je trouve qu'ils ont tous une personnalité, leur background est abordé à tous. Mais à part le mec qui court au fond du couloir, voilà, enfin... Il y a toujours des figurants, mais tu vois, par exemple, dans le cockpit, non. Ils ont tous leur place. Sur le pont, ouais, ça, c'est sur quelque chose que pont, j'ai beaucoup... Il y en a deux ou trois qu'on voit vraiment que sur le pont. Et qui ouais, oui, mais tous les autres, ils ont des noms, on finit par les apprécier. Quand il y a une bataille, on n'a pas envie qu'ils y restent. Et t'as des moments qui se passent qu'entre eux aussi. Oui, il y a des petites scènes où ils sont entre eux, ou alors même ils sont pas forcément au premier plan, mais ils sont encore là. Des choses ça moi je retrouve un tout petit peu vraiment c'est pas au même niveau là, c'est beaucoup plus poussé, mais ça me rappelle un petit peu justement quelques trucs dans SG1 où t'as fait régulièrement les mêmes rôles qui revenaient à des figurants qui étaient dans le fond ou même le mec qui est devant son ordi qui ouvre la porte machin quand SG1 arrive, bah c'est toujours le même gars, ça a toujours été le même gars tout le long de la série ou quasiment chaque épisode. Le personnage a fini par avoir un nom et tout, et c'est un mec super apprécié des fans, mais bon, ça s'est fait comme ça. Mais là c'est un petit peu ça, mais en plus poussé quand même, parce que ben, on a même un épisode entier sur un personnage du pont, quoi, alors que rien n'aurait pu y amener, quoi. Ouais, et en plus voilà, ils ont des personnalités intéressantes, tu vois, il y a plein de femmes différentes. Niveau diversité, il y a de quoi faire. Ouais. Oui, mais attends, est-ce que c'est des femmes fortes qui sont vierges toute leur vie? Est-ce que c'est des Marissous? Justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'elles ont toutes des personnalités propres et elles sont pas clichés. Elles ont toutes de la nuance. Wow. Tous les personnages ont de la nuance, ont des. Et c'est pas de la nuance, c'est pas des nuances de couleur de cheveux en plus, quoi. C'est des vraies nuances, quoi. Et attends, juste avant de dire Ximnut, il y a un personnage justement qui n'a aucune nuance, mais il est quand même réussi et c'est ça qui est beau. Bah, c'est le meilleur capitaine de tous les temps. Oui. Mais ça, c'est parce qu'il est humain, en fait. C'est simplement parce qu'il est humain, en fait, hein, je pense. Humain, enfin... C'est pas le capitaine, enfin, il... C'est un bah, peu c'est... le capitaine, justement. C'est un mec c'est, oui, blanc... C'est le capitaine modèle, en fait. C'est un mec blanc aisé de la quarantaine, donc il a pas eu beaucoup de trucs contre lesquels se battre dans sa vie psychologiquement. Oui. Donc, Et en ouais. plus, ce qui est bien, c'est qu'il représente toutes les bons côtés, les qualités humaines, en fait. C'est ça. C'est ça que je voulais dire. C'est vraiment des qualités humaines. C'est que... Parce que c'est un... Star Trek, à la base, c'est... dans le futur de Star Trek, c'est censé être une utopie. Et ce gars-là, c'est vraiment le mec blanc utopique. Tu vois, c'est le... Soyez tous comme Pike, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Un peu d'espoir. Oui, mais il est pas égoïste, il pense à son équipage en priorité, à sa sécurité. Il... En fait, lui, c'est le seul qui n'a pas de nuance parce que c'est l'allégorie des qualités humaines qui font que tout finira bien. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il ne poursuit pas de réel but autre que... Que faire le bien. Que faire le bien et que son équipage aille bien et que tout se passe bien. Il n'a pas de... Il a pas de but, enfin de mission à accomplir, il a pas un, comment on appelle ça, un désir particulier, enfin un truc, il a pas de, en fait, il a pas de péché, en fait, c'est un péché. Gardien. C'est ça, hein. Le mec, c'est juste un ange gardien. Dire ça, mais je veux dire, on a Lorca qui a un objectif bien particulier et qui est prêt à faire pas mal de choses pour l'atteindre. On a d'autres personnages, sans spoiler, qui sont prêts à faire pas mal de choses pour atteindre leur objectif aussi. Lui, son seul objectif est que tout aille bien pour son équipage et lui-même, et que éventuellement que la mission suive son cours. C'est éventuellement, parce que si c'est pas possible, il ira pas jusque là. Donc, comme il est dénué de pas d'ambition, enfin si d'ambition en fait, il est dénué d'ambition, d'orgueil non, et de. Oui, il est dénué de comment dire de trucs propres en fait. Il vit et il agit pour les autres et ouais, comme tu dis, et pas pour lui en fait, c'est ça, c'est de trucs propres. Toutes ses décisions sont tournées pour le plus grand bien de tous et pour le bien commun en fait. C'est là, c'est à l'échelle de l'équipage, mais il rentre jamais dans l'équation lui en fait. Mais après, là, moi je le vois d'un point de vue extérieur parce que j'ai pas vu la série, mais est-ce que c'est pas aussi un peu un truc de narration d'avoir un personnage un peu avec pas trop d'aspérité pour que les gens se projettent dedans un peu genre. Genre Tintin, voilà un truc, alors un non. personnage un peu vide qui fait non parce qu'il est pas vide, pourrait être un en peu fait. Tout le monde. Oui, c'est ça, il est pas non plus vide. Ça pourrait pas être tout le monde. Le gars, c'est toutes les qualités humaines sans les défauts. C'est l'incarnation c'est ça, de la bonté, de la générosité, de l'altruisme, de la droitesse, de c'est un homme utopique, enfin c'est un homme, quand je dis homme, c'est avec un grand H, c'est le genre humain, si tu veux, toute la bonté humaine ou toutes les qualités humaines dans un personnage. Voilà, il a pas les défauts. Enfin, du coup, il est pas vide parce qu'il a quand même une personnalité, il a quand même des dilemmes, il a quand même des décisions vachement dures à prendre. Mais c'est des dilemmes moraux. Qui est juste c'est... Et bon. Voilà, c'est pas des dilemmes où est-ce que je fais le bien pour moi ou pour atteindre mon but, ou est-ce que je fais le bien. Là, c'est faire le bien. Est-ce que je me mets de travers avec Starfleet pour le bien de mon équipage, ou est-ce que je fais ce que Starfleet me dit et pour mon bien entre guillemets, parce que comme ça on t'apparaît pas sur les doigts quoi. Il va toujours aller dans le bon sens en fait. Il s'en fiche des conséquences pour lui du moment qu'elles sont bonnes pour tous. Attends, mais est-ce que je peux vous faire plaisir un petit peu? Mais bien sûr. Non, on aime souffrir. Il est censé. Bah, c'est possible qu'il y ait une série sur Pike suite ah, à. Ah, ils avaient dit ouais. En même temps, je crois que le personnage il a eu un boost de popularité monstrueux. Enfin, c'est. Il est tellement dans le jeu. Moi, alors avant de, et je l'aime, je suis déjà. Bah, avant de poursuivre dans tout ça, je vais d'abord parler du casting en général parce que justement, on parle de Pike là, mais il est joué par, c'est pas un inconnu, mais je l'ai pas vu jouer dans grand chose avant. Non, quoi. Il est pas connu. C'est Anson Mount, je crois, c'est un Américain, mais si tu regardes sa filmographie, elle est pas vide, mais c'est des petits rôles quoi. C'est des seconds rôles. C'est énormément au vrai acteur. Je pense que c'est pour ça qu'il a peut-être été choisi, quoi. Mais je crois que son premier rôle, c'était dans Lee McBeal, quoi. Il joue un second rôle ou un personnage d'un épisode dans Lee McBeal, quoi. Donc, c'est vraiment pas non plus. Il vient de loin. Hein. Si tu regardes sur Wikipédia, ses séries notables, c'est Hell on Wheels, L'Enfer de l'Ouest. Je sais pas ce que c'est, personnellement. Mais même si tu regardes les autres, il y a peut-être 2-3 grosses têtes, entre guillemets, connues, mais la plupart, c'est quand même des gens. Il y a Malfoy et puis. Comment ça s'appelle ? Sonny quoi ? Michael Burnham. Oui, Sonny quoi ? Elle vient de. Walking Dead. Walking Dead, et puis The Good Wife aussi, je crois. Once Upon a Time. Enfin, elle a déjà eu quelques rôles, et puis c'est quelqu'un qui monte un petit peu au niveau des séries, quoi. Et Michelle Yeoh aussi. Michelle Yeoh, carrément. Je dis pas ouais, non. Non, vraiment, oui. Mais Doug Jones, lui, c'est un cador, de toute façon, de tout ce qui est masque et compagnie. Le fameux poisson qui baise. C'est simple, hein, vous avez vu un film de Del Toro, vous l'avez forcément vu. Même si vous avez, jamais vu sa tête, vous l'avez vu. Oui, c'est ça. C'est, on n'a jamais vu sa tête, mais je crois qu'il est là. Mais oui, il est excellent. Autre film de Del Toro que Pacific Rim, vous l'avez vu. il apparaît pas dans Pacific Rim. Oui, parce que je crois qu'il n'est pas dans Pacific Rim, effectivement. Il joue pas un monstre, ça m'aurait même pas étonné. Il joue les cailloux, tu vois. Mais le casting est juste fou, enfin malade, quoi. Je vais essayer d'en pas tout faire parce qu'on en a pour des heures, mais ne serait-ce que Ash Tyler, enfin Chazelle Latif, je le trouve fantastique. Je vais dire ça à chaque fois, mais je le dis tout court, le casting est juste excellent tout le long. J'ai l'impression qu'ils sont tous en train de prendre un pied monstrueux. Ils jouent tous juste. Ils sont tous touchants, émouvants. Les aimes tous, même les persos qui sont censés être des connards, tu les adores. Et Chazelle Latif, qui joue à H. Taylor, il est encore plus excellent parce qu'effectivement... spoiler ? Est-ce qu'on dit spoiler là pour 30 secondes ? Spoiler. Spoiler. Spoiler. Spoiler. Voilà. Parce que le truc, c'est que H. Taylor, du coup, c'est... Chazelle Latif, il joue deux rôles. Ouais. Il joue à la fois, du coup, il joue Ash, mais il joue aussi Vok. Qui est l'élu Klingon, un petit peu, celui qui a été choisi par Takuvma. c'est un peu le prophète Klingon. Mais je t'ai dit, j'ai bossé mon Klingon sur Duolingo pendant des semaines. Takuvma. C'est trop sexy comme ils le disent dans la série. Mais franchement, le Klingon dans cette série, je sais pas les autres, mais dans cette série, il sonne trop sexe, le Klingon. Hein. Je veux apprendre Klingon, je vais aller lever de la meuf en parlant de Klingon dans la rue. À la fin du confinement, je vais venir, je vais leur dire bonjour en Klingon. Ah ben non, merde. Mais du coup, oui, donc Ash Taylor, il est excellent parce qu'il joue deux rôles qui sont diamétralement opposés. Enfin, il y en a un qui est assez monolithique finalement, et l'autre qui est complètement torturé. Mais en plus, les deux se mélangent, du coup. Voilà, et par moments, ils se mélangent. C'est super bien joué. Spoiler. Spoiler. Spoiler. Spoiler. Et globalement, moi je dis, tout le casting il est juste ouf. On a un capitaine, Malfoy, c'est moche pour lui parce que je suis pas foutu de retrouver son vrai nom. Isaac, je crois. Ouais. Jason Isaacs, je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Du coup, c'est cool. Bon, il est un petit peu là en guest, mais c'est cool de l'avoir. Mais sinon, ils sont tous très bons. Et il y en a deux, on n'a pas encore pas. Enfin, deux, allez, trois. Trois parce que je peux pas le dissocier. On a Stamets, Tilly et Culbert. Et qui ? Culbert, le docteur, le médecin. Non, il est déjà là en saison 1. Non, ok, d'accord. Le mari de... Il est plus discret en saison 1. Mais Et en saison 2, il prend cher. En saison 2, c'est chaud pour lui. Bon, bref. Mais déjà, Stamets, Anthony Rapp, là, il est ouf. Il est adorable, c'est mon chouchou. Lui, je le baise. Ça commence. Non, mais pas sans consentement, parce que. Pas sans consentement. Non, mais je rigole. Et non, oui, mais il est vraiment adorable. Il joue beaucoup trop bien. Il joue beaucoup trop bien. Mais en tout cas, j'ai jamais vu un mec de 58 ans aussi adorable, aussi mignon. Il fait énormément plus jeune. Il a 48 ans. Il a 48. 48 ? Ouais, je me suis gouré. Il va sur la cinquantaine, bah, c'est pas rien déjà. Il est quand même plus jeune, hein. Il a quand même. Oui, j'ai dit de la merde, 58, c'est beaucoup trop. Non, non, mais oui, il fait quand même plus jeune. Il fait 35, facile, quoi. Il est 40. Mais il est. 78 ans, là. Mais bon, ça suffit. Non, mais bon. C'est alors, par contre, on dit il est mignon, mais il est surtout super juste dans son interprétation. Enfin, faut quand même pas oublier bien. Ça. Parce qu'on l'oublie parce que c'est à l'air naturel comme ça. Enfin. Mais ils jouent tous très bien. Mais Stamets, c'est pas celui qui a les scènes les plus faciles à jouer non plus. Non, c'est clair. Et il s'en sort toujours super bien et il rend le personnage énormément attachant. Et l'autre personnage attachant, c'est aussi Tilly. Oh, ouais, c'est pas juste nette. Adrien, tu veux dire quelque chose? Ah non, mais c'est juste que c'est vraiment la meilleure. Excuse-moi, Tuki. Non, Grushkov disait, on la voit pas trop peu, mais non, elle a tout son arc où elle veut essayer de devenir capitaine et elle a tout son truc de. Comment dire ça sans spoiler? Tout son truc où elle n'est pas seule. Et où elle galère un peu. Oui, oui. Mais c'est vrai, en plus, c'est pas. Oui. Elle est adorable, c'est vraiment. Elle est l'actrice, elle est extraordinaire. Et vraiment, il y a cette énergie qui. Et t'as une actrice qui est pas toute fine, qui est une actrice on va dire un peu grosse, qui a des scènes d'action, qui a un des rôles principaux et qui est en train qui de qui sauve la mise régulièrement quoi, enfin et qui essaye de devenir, qui est très intelligente et qui essaye de devenir capitaine et c'est pas R2-D2. c'est ce que je disais par rapport à Star Wars, ils sont où les gros? Mais moi, ce que j'aime bien d'ailleurs à ce sujet, c'est alors c'est un personnage donc, féminin déjà qui part d'un échelon assez faible et en fait c'est un personnage qui a un glow up tout du long, qui fait que monter, que prendre en maîtrise de soi, en assurance, en galon aussi. Enfin, c'est quelqu'un quoi. C'est un glow up constant et à aucun moment ça passe aussi par son physique. C'est-à-dire qu'on va pas avoir ce côté là elle fait du sport, bah c'est pas pour son physique, c'est parce qu'elle a besoin d'avoir de l'endurance pour atteindre les prérequis pour son évaluation. Oui, c'est vrai. Ouais. À aucun moment il y a un shaming sur son physique ou même sur le physique d'un autre personnage d'ailleurs. Et vraiment, mais ça n'empêche pas d'avoir un glow up et de monter comme ça les échelons. Et en plus, tu vois, on parlait justement du cliché de la femme forte. Et bien justement, ce qui est bien, c'est que c'est un personnage qui est courageux, qui a plein de super qualités. Elle est très loyale, elle est très généreuse. Et elle est aussi très maladroite et très... tu sais, tu peux facilement t'identifier à elle parce que des fois, elle est trop enthousiaste, alors elle parle trop et puis elle est genre... Mais oui. Je suis trop bizarre, je parle trop. Elle est très humaine, alors pas comme quand je disais tout à l'heure, pareil, qui est humain. C'est une machine de ce point de vue-là. Mais elle est humaine dans le sens où elle est aussi pleine de qualités qu'elle est pleine de défauts. Tu te reconnais dedans, facilement, quoi. Ouais. Quand elle galère dans des situations en mode « Attends, faut que je sois sérieux, c'est quoi le protocole ?» Les trucs comme ça. Oui, c'est ça. Et en même temps, elle assure à chaque fois. Mais pour vous donner une idée un peu de Tilly, c'est un peu la rose Tico de Star Wars en moins badass ou en tout cas moins vénère. T'as moins vu vénère. Captain Killy ou pas? Non, il a pas vu la saison 2. Mais si on l'a vu dans la saison 1. C'est vrai, Captain Killy. Il se passe beaucoup de choses avec ce personnage, mais vraiment juste je vais pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas s'ils doivent regarder, il y a une scène où Sylvia Tilly se défonce la gueule dans une auberge, dans une espèce de bar, et c'est très drôle. Voilà. Elle se défonce la gueule. Et elle est complètement foncée pendant 10 minutes, et elle fait une gaffe, et c'est très drôle. J'ai raté ça, enfin, je sais même plus, il faut que je revoie. Là. C'est super drôle. ça me parle. Quand elle reprend conscience, elle est toute paniquée, elle appelle ses copains en mode j'ai fait une gaffe, pardon. Et du coup, ils arrivent à s'en sortir, mais elle est trop mignonne et elle est trop drôle. C'est pas que c'est un phare dans la série, parce que toute la série est bien, mais c'est vraiment un. C'est le rayon de soleil de la série. C'est le rayon de soleil de la série, c'est le personnage. C'est le rayon de soleil de ma vie. Au début de la série, Michael me cassait les couilles parce que Michael, j'ai eu du mal aussi avec. Fait, heureusement que tu avais tous les autres personnages, parce qu'au début, en fait, j'avais un gros problème. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Elle n'arrêtait pas de se plaindre, alors qu'à cause d'elle, il y avait une guerre qui avait été déclenchée et tout, parce qu'elle avait fait une connerie délibérément et tout. Et au début, j'avais vraiment beaucoup de mal avec ça. Elle a une belle évolution, Michael. Hein, aussi, oui. À part de loin. Elle est trop antipathique, faut qu'on arrête maintenant. Oui, parce que pendant longtemps, c'est son côté vulcain aussi qu'on a du mal à appréhender au début, je pense. Ouais. Et il y a tout un travail dans la série avec spoiler Spock qui se pointe. Il y a vraiment tout un truc dans la série avec ça où tu finis par mieux appréhender sa psyché aussi. C'est pas que le côté vulcain aussi, c'est le côté, elle est amère. Trop têtue et perso. Mmh. C'est-à-dire qu'elle va toujours penser que comme elle a étudié la meilleure logique, ses décisions sont beaucoup plus logiques et rationnelles que celles des autres. C'est pas le côté vulcain, justement. Ah non, c'est le côté humain lié au côté vulcain. Les vulcains, ils sont très logiques, mais ils sont pas têtus comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Elle est vraiment très bornée et du coup, elle est assez susceptible par rapport à ces trucs-là, mais elle évolue énormément. Oui, mais je crois que la série appuie là-dessus. En mode, ok, tu réfléchis comme un vulcain, mais t'as les réactions d'humaine et c'est chaud. T'es insupportable, meuf. Fais quelque chose. Au début, elle est pas trop sympa avec Tilly. Ouais. Elle est super froide. Ouais. C'est un congélateur familial. À plus. Enfin, ouais, et en plus, tu découvres qu'elle a un passif avec les Klingons. En plus. C'est chaud. Mais non, mais l'actrice, juste, elle joue mais extrêmement bien. Hein. Elle est fabuleuse. C'est qu'à tous à leur niveau, parce que ils ont pas tous les mêmes lignes, mais ils jouent tous super juste, toi. Oui. Mais vraiment, enfin, je trouve que l'actrice donc de la protagoniste, hein, finalement, Sonika Martin Green, elle joue en fait. Comme, mais ça c'est incroyable, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais on dirait vraiment une Klingon, parce que vous savez, les Vulcans, c'est vraiment des. Pour ceux qui n'ont jamais regardé Star Trek, ils sont censés ne pas avoir d'émotion et tout passer par la logique, en fait. C'est des ordinateurs. Ouais, c'est vraiment des ordinateurs. Mais ils sont attachants, parce que finalement, ils ont ce côté très logique. Par exemple, Spock, il se la pète en disant, ouais, c'est ça. Et par exemple, Spock, dans plusieurs épisodes de la série originale, il se targue de ne pas avoir d'émotion et de ne marcher que par la logique. Alors qu'à plusieurs moments, on le voit s'inquiéter pour Kirk. Et Kirk se fout de lui, justement, en disant, tu vois. je crois que c'est pas qu'ils n'ont pas d'émotion, c'est qu'ils essayent de les cacher au maximum pour fonctionner que par la logique. Parce que pour eux, ça a plus de sens de fonctionner comme ça. C'est ça. Ouais. Leur société s'effondrerait s'il fonctionne autrement et il faut passer par la logique et renier ses émotions. Il y a d'ailleurs toute une thématique autour de ça parce que Spock, je ne sais pas si c'est déjà dit dans la série originale, mais Spock est un peu humain. Oui, il est une moitié humain. Sa mère est humaine. Et on voit sa mère dans Discovery. Il y a tout ce côté-là, justement. Le côté humain de Spock, le côté vulcain de Spock, pareil en fait. Et pareil pour Michael finalement. En fait, Burnham, Michael, c'est un peu un miroir de Spock, mais on spoil à fond, on fera faire quelque chose. La maman de Spock, elle a certaines répliques féministes qui sont tellement badass. Quand elle parle à son mari, à un moment, c'était tellement merveilleux. Ah, mais elle le met en PLS des fois. Enfin, tu le repasses en boucle, t'es genre oui. Les thèmes, ils sont abordés de manière très juste, très. Ils te font comprendre, en fait, si tu connais pas ce que c'est, si tu l'as jamais vécu. Et c'est ultra touchant et c'est très. C'est pas des clichés, tu vois. Tous les thèmes sont. Mmh. T'as l'impression que c'est vraiment du vécu que les personnages l'ont vraiment vécu, que c'est pas juste une fiction. Mmh. Les thématiques, il y a énormément de choses. C'est plus dur d'en parler, enfin, on va faire un peu court, parce que par rapport à un film, c'est beaucoup plus long, mais il y a énormément de thèmes, quoi. Il y a le pardon qu'on fait à soi-même, déjà aussi, aux autres. Il y a beaucoup plus tard, mais il y a aussi l'aspect parentalité, il y a l'estime de soi, le mariage, les traumas. Les traumas, le mix des cultures, enfin de. Les problèmes mentaux, il y a énormément de. Ah oui, il y a tout un passage là-dessus. Qui sont abordées dedans. Pas forcément dites clairement, mais tu les reconnais et elles sont. Mais du coup, c'est bon. Alors, c'est pas dit péjorativement, mais il y a un côté vachement woke en fait dans beaucoup de thèmes abordés. Enfin, en tout cas, ils sont abordés de façon woke. Bah, dites-nous un autre mot parce qu'on n'en a pas. Bah ouais, mais non, je mais sais pas. Moi, j'étais progressiste, je veux dire woke. Oui, mais... oui, voilà, merci. Mais c'est, moi, c'est progressiste, c'est ouvert, c'est. En tout cas, bah, c'est... En fait, c'est moderne, simplement. Enfin, je sais pas. C'est. Si moi, c'est ultra ouvert, en fait. Ça à contrario du conservatisme, c'est ouvert, c'est progressiste. Il y a énormément de représentations dans tout, parce que ça aborde aussi le handicap, ça aborde. Il y a des gens gros, il y a des gens de couleur, il y a énormément de bi. Yes. Il y a des gens handicapés. Oui, il y a un figurant que je vois passer de temps en temps en fauteuil roulant derrière. Mais je l'avais pas vu. Il y a aussi les personnes qui venait... avec les extensions cyborg. Oui, la première qui me venait à l'esprit. Mais même au-delà de ça, oui, il y a un mec en fauteuil dans l'équipe. Il y a un mec en fauteuil. Je l'avais raté. On le voit que derrière, en fond, je l'ai pas vu beaucoup. T'as aussi le handicap mental, beaucoup. Ouais, aussi. Ouais. C'est vrai que moi, pour le handicap, la première qui me venait à l'esprit, on m'entend ? Oui, on t'entend. La première qui me venait à l'esprit, c'était celle avec l'implant au niveau de l'œil. Ouais. D'ailleurs, t'as tout cet aspect-là aussi. Oui, bah, comment on vit avec une prothèse aussi. Se retrouve avec un crew où il y a des gens qui ont des amputations et des trucs comme ça à cause d'elle. À cause d'elle, parce qu'il y a des survivants. Alors oui, est-ce qu'il y a des survivants de la bataille avec les Klingons des premiers épisodes qui se retrouvent dans l'équipage du Discovery ? Sous presque les ordres de Michael et du coup ouais, pas tout de suite en tout cas mais oui ouais. Et du coup t'as tout cet aspect là aussi de pardonner le pardon à soi, le pardon aux autres, est-ce que les autres te pardonnent aussi, est-ce que finalement ça parlait pas un peu de rédemption? Bah ouais, enfin tout le parcours de Burnham c'est la rédemption en fait. Non mais oui, mais je non, non mais l'arc de Michael, c'est ça. Tout l'arc de Michael c'est ça, et c'est pas pour rien. Alors attention, re-spoiler saison 2 qu'elle apparaît sous non, c'est un gros spoiler saison 2, je vais pas lui faire ça. C'est un gros spoiler. Ouais. Mais H, c'est pareil. H aussi, il a tout le truc de rédemption et d'identité. Ouais. Sans aller plus loin. Parce que Du coup, je spoil pas, mais juste pour dire, dans la saison 2, elle est vraiment. On est vraiment au top de la représentation de la rédemption. Enfin, c'est christique, limite. Hein. C'est, Oui, dans l'imagerie, oui. Dans l'imagerie, dans le visuel, c'est totalement ça. Hein. C'est... T'as beaucoup c'est aussi de choix éthiques qui leur sont posés. C'est ça. Il y a beaucoup de dilemmes. Ouais, ça te pose beaucoup de questions à toi qui regardes aussi. Mais ça, je crois, c'est pas un héritage de la première série, ça, Adrien ? Les dilemmes moraux comme ça ? Ouais, complètement. Et le fait d'être progressiste et tout aussi, hein, la série originale, il me semble que c'est la première fois qu'on voyait à l'écran une femme noire et un homme blanc s'embrasser. Les couples mixtes, c'était ultra tabou, c'était ultra mal vu. Puis je crois que c'est des communistes en plus. La fédération est pas un peu communiste, un truc du genre, je crois. Vous seriez pas un petit peu communiste, vous? Je suis communiste, hein, marxiste en plus. C'est le truc de Star Trek, c'est d'être ultra progressiste. Et justement, Discovery a poussé ça à fond et c'est ultra bien fait. Et est-ce que c'est pas un miroir aussi d'avoir justement deux hommes, dont un racisé, qui s'embrassent par rapport à la série originale? Peut-être que c'est un petit clin d'œil à ça. Moi, je pense clairement qu'ils ont suivi les préceptes de Gene Roddenberry. Y a un énorme respect de son œuvre, hein, clairement, je pense. Mais c'est justement, il y a notre ami Nebel Ungen, qui est donc le dessinateur auquel je parlais au début de l'épisode, justement parlait un peu cet après-midi, et il m'a dit justement que au-delà de ça, quand même, Star Trek, ça a toujours été très social et profondément progressiste, hein, même idéaliste, dans le sens où on voit toujours le meilleur de l'être humain. On vous rappelle quand même que la première série est sortie à la fin des années 60 et en pleine période de guerre froide. Et qui y a-t-il comme membre d'équipage dans la seconde saison ? Un mec russe. Ouais. Et un chinois aussi, non ? Un japonais, pardon. Sulu, c'est un japonais, ouais. Ah, ok, pardon. Il n'y a pas un autre russe. Ce perso-là qui était très osé à l'époque. De quoi? Parce que justement, je savais qu'il y avait ces deux persos qui étaient très osés de mettre ensemble. Ouais. Alors, Tchekov, il arrive la saison 2, mais, mmh. mais Sulu, là, depuis le début, est vraiment Sulu, qui est donc joué par George Takei. Takei. Qui donc, voilà, c'est un passage emblématique maintenant de Star Trek. Qui a aussi, d'ailleurs, malheureusement, des accusations d'agression sexuelle. Ouais. Tu peux vraiment faire confiance à personne. Non, mais gardez vos bites dans vos frocs, sérieux, les mecs. Mais Adrien, toi qui as vu du coup la première saison, ça, de la série originale, est-ce que... Pas entière. Suffisamment pour répondre à ma question, j'espère. Mais ouais, première saison, oui. Est-ce que tu n'as pas l'impression que du coup, enfin, j'ai de la merde, ça se trouve, complètement, j'espère, pas. Est-ce que tu as l'impression que Discovery, c'est vraiment genre la série originale, mais version 2020, enfin, modernisée. C'est le même esprit? Ou est-ce que c'est quand même différent, ça va ailleurs? Ou est-ce qu'on reprend tout et on va plus loin avec? Ouais, en fait, ça commence pareil, dans le sens où vraiment, moi, je me suis dit, ah, c'est cool, on va avoir des épisodes un petit peu détachés les uns des autres, et pas des arcs, tu vois, comme on peut avoir dans une série générale. Il y a quand même des arcs, voilà, parce qu'il faut savoir que la première série, c'était vraiment un épisode avec un élément déclencheur, vraiment un serial quoi, c'était un Stargate avec comme vraiment ça, bah, que des fillers quoi, si on part de ce principe, et enfin que de ce qu'on pourrait appeler des fillers aujourd'hui dans les séries normales quoi. Et en fait, bah, du coup, Discovery, c'est pas tellement le cas en termes de narration, c'est pas du tout pareil. Néanmoins, par rapport à un point de vue progressiste, hein, on parlait politique, vraiment, Discovery, c'est la suite directe, hein. C'est vraiment un gros hommage. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ne serait-ce que dans le générique, on entend, on comprend, et finalement, c'est quelque chose, c'est une série qui va être la suite profonde. Et en gros, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que lorsque la série a montré ses premiers visuels, hein, avec donc une femme noire dans le rôle de la protagoniste, il y a beaucoup de fans mal intentionnés. Est-ce que ça a gueulé et détestable. Ça a gueulé beaucoup. Est-ce que ça a gueulé comme pour Finn? Alors pas autant, parce que les fans de Star Trek sont moins cons, mais de façon générale. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, les fans de Star Trek, le gros problème, c'est comme j'ai dit au début de l'épisode, à la base, c'était des femmes, et quand en fait, les hommes ont commencé à s'y intéresser, et ben ils ont dit, ouais, bougez-vous les femmes, on connaît mieux Star Trek que nous. Sauf que les femmes, ça faisait déjà 20 ans qu'elles écrivaient des fanfictions. Mais en fait, le problème donc avec ça, c'était que j'en étais que quand c'est une femme qui a été annoncée au casting comme étant le personnage principal, il y a beaucoup de fans qui ont gueulé, et donc le producteur, le showrunner de la série, a justement dit qu'il était temps d'avancer un peu et d'aller là où aucune série n'a jamais été. Ah, j'aime cette réponse. Et justement de pousser plus. C'est pas absolument. C'est pas la devise de Kirk ou un truc du genre. C'est absolument oui, ben voilà. Ça, ouais. Et c'est pour ça que c'est ultra décevant que Star Wars ait pas osé aller un peu plus de ce côté-là aussi, parce que ils ont les moyens, c'est le moment maintenant. Faut arrêter des trous. Ils ont les moyens et ils ont le poids. Enfin, on l'a bien vu avec la Jedi, quoi. Tu peux faire un film qui va diviser. C'est pas pour ça que le suivant il sera pénalisé ou énormément pénalisé. Enfin, c'est pas le succès qu'ils auraient aimé, puis ils en veulent toujours plus, mais c'est quand même un succès, le 9, du point de vue monétaire, en tout cas. Quoi, donc. C'est ça qui est merveilleux avec Discovery, c'est que t'as... Si, ça reste un succès, donc en tout cas, ils se sont rentrés dans leurs frais. À part les séries un peu plus intimistes à la One Day at a Time, t'as pas de série, ça c'était la série que j'ai vue, hein, qui est vraiment la plus progressiste, la plus ouverte, et qui c'est pas... Qui n'est pas une série animée. Oui. Ça fait partie du truc, c'est ultra bien intégré. C'est comme dans la vie de tous les jours. Tu as des gens qui sont tous différents, tu as des gays. C'est pas un truc qui est genre, attention, on va faire un épisode spécial. C'est ça, oui, t'as pas la réelle qui va insister sur, hé, t'as vu, ils sont amoureux, les deux mecs là. Hé, regarde, ils sont en couple, t'as vu, hé, ils vont s'embrasser en plus. Hé, t'as vu, c'est. On est woke, hein, t'as vu quand même. Forcé, et c'est ça. Et c'est ça reflète énormément la vraie vie quand t'es pas un connard qui vit dans son patelin de merde et pardon. qui vit dans le trou du cul du monde à penser que tout le monde est blanc et de droite. Quand tu sors de chez toi et que tu regardes le monde, tu vois que tout le monde est différent et que c'est beau. Mais du coup, je me demandais, enfin, je sais pas si vous savez, peut-être que je sais pas, mais CBS c'est une chaîne ouverte, c'est une chaîne, enfin, progressiste aussi. Enfin, c'est eux qui financent quand même le truc. Les mecs, ils débarquent, ils leur foutent des, alors, ils leur foutent des racisés de partout, ils leur mettent des femmes de pouvoir, ils leur mettent des cyborgs, des aliens, du féminisme, des homosexuels, des bisexuels. C'était tellement bien. Mais tu vois, c'est tellement balancé dans un coin, enfin, comme naturel. Ça. Entre la poire et le fromage, c'est hyper naturel. Et du coup, tu te dis pas, ah oui, je me souviens de cette fameuse scène où machin a dit que. Non, parce que c'est balancé comme ça. Ça va super. Ça passe crème, ça passe naturellement. Ça passe comme une blague en plus, sur le coup. Une blague qui est pas. C'est même pas une blague oppressive en plus. Et voilà, ça, tu te souviens. Enfin, c'est pas que tu t'en souviens pas, mais sur le coup, ça passe tout seul et c'est pas mémorable au sens où on a forcé dessus pour que tu t'en souviennes, quoi. Parce qu'en fait, tout est tellement naturellement présenté que ben, t'as rien qui va être choquant ou que tu vas trouver un peu trop appuyé de façon bizarre. Tu vois, c'est plein de gens différents comme il y en a dans le monde et ça marche super bien. C'est beau. Par contre, l'autre thématique abordée ensuite est encore plus intéressante, je trouve. Mais là, il y a Adrien et j'ai pas envie de lui spoiler la suite. Ah oui, merde, désolé. Mais tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, qui toute la relation Michael H. Non, la relation H. La nana Klingon. Oh voilà. Et l'autre. Oui. Lorel. Oui. Ce qu'il a dit. C'est Lorel, la Klingon. Ouais. Comment elle s'appelle déjà? Lorel. Lorel. Non, je sais plus. Ah oui, je connais. Lorel. Hardy. Lorel. Lorel. C'est la Rel. Bon, il est en. Oui, c'est ça. Rel. La Rel. Rel. Oui, c'est ça. Elle Rel, oui. La Rel. Vous filez le cours de Klingon sur Duolingo, vous allez voir, c'est trop bien. Franchement. Super. En plus, elle est super, cette personnage aussi. C'est ça qui est bien aussi dans la série, c'est que les Klingons, c'est pas juste des monstres méchants avec un truc ultra manichéen. C'est vraiment, tu découvres leur culture, tu découvres leur psychologie. Oui. Au même titre que les Vulcains, en fait. Et tu découvres juste que c'est des espèces différentes. Mais je sais pas si. Excuse-moi, je les mêmes valeurs, les mêmes émotions, les mêmes choses que les humains, les Vulcains. C'est juste. Ils ont pas les mêmes cultures, mais il y a quand même beaucoup de choses en commun. C'est un peu comme ça, Adrien, dans la première série? Les Klingons, en fait, c'est vraiment plus manichéen que ça? On voit les Klingons que dans un seul épisode de la saison 1. Donc. Ah, oh, c'est les ondes, ça nique. En fait, à la base, ça devait pas être tous les grands méchants dans Star Trek, ça devait être les Romulians. mais qui sont donc des cousins éloignés des Vulcans. Et en fait, c'est assez drôle de voir qu'ils ont interverti les deux, quoi. Mais ouais, on les voit pas beaucoup. Bon, c'est toujours pas les enfants de cœur non plus, hein, les Romuliens. Non, c'est des méchants, mais en fait, ça devait être eux à la base, les grands méchants, balle, hein. Tu vois. Ça devait être... D'ailleurs, c'est drôle parce que dans le seul épisode où ils sont présents dans la série originale, enfin, dans la première saison de la série originale, eh ben, c'est eux les gentils et Starfleet les méchants. Parce que, genre, je vais vous spoiler vite fait, mais en gros, Starfleet tombe sur un vaisseau Romulian et en fait, veut. Enfin, ils se disent, mince, on est tombé sur des Romulians, qu'est-ce qu'on fait? On leur tire dessus ou on les laisse partir? Et ils finissent par leur tirer dessus. Et le commandant Romulian s'est dit, non, c'est bon, on a fait couler trop de sang, on riposte pas parce qu'après, ça va foutre la merde dans notre civilisation. Et du coup, ils se font abattre par Kirk sans rien dire. Mais dis-moi, c'est super sympa la série. Là. Non, mais vraiment. Et alors, sauf si j'ai mal compris, mais c'est longtemps que j'ai vu, mais il me semble que c'est ça. Et du coup, c'était cool parce que c'est pas manichéen non plus pour l'époque, c'est assez impressionnant. Ouais, et dans Picard, c'est encore plus nuancé. C'est-à-dire qu'il y a des connards partout. T'as les Romuliens que les humains aiment pas. Les humains aiment pas les Romuliens. Mais Picard, lui, il a essayé de les sauver quand il y a eu une grosse catastrophe. Et du coup, il y a des gens qui lui en ont voulu parce qu'il a aidé des Romuliens. parce que a priori les humains et les Romuliens étaient en guerre et tout, mais Picard lui il s'est dit bah c'est des vies, donc tu sauves les gens même si t'étais en guerre avec eux, ils méritent pas de mourir. Et t'as aussi les Borg, c'est ça hein. Ouais. T'as les Borg qui sont plus ou moins éteints dans Picard, mais qui restent quand même. Tu sens que ça reste un truc qui a marqué les gens et que ça reste une menace sous-jacente. Et t'as des personnes traîtres qui, de toutes les espèces en fait. Du coup, dans Picard, c'est pas un truc de race contre race. Parce qu'au début, dans Picard, t'as les Romuliens qui détestent tout ce qui est androïde, les Terriens qui détestent les Romuliens, tout le monde qui déteste les Borg. Même les Borg. C'est les pépés manga de l'univers Star Trek. Et donc, si tu veux, t'as en gros, tu sens que là, il y avait eu un gros conflit Romulien-Terrien qui a un peu posé les bases de tout le truc. Et que du coup, bah, t'as des gens qui veulent passer outre ce conflit et se dire on est tous des êtres vivants, on mérite du respect. T'as toujours des gens qui sont un peu racistes. Et t'as des gens qui sont des personnes doubles ou des personnes mal intentionnées qui sont pas forcément d'une des deux espèces, tu vois, ou qui sont pas liées à ce conflit-là directement. Et c'est ça qui est très sympa avec Picard aussi. Tu sais pas à qui tu peux faire confiance. T'as des gens, ils ont l'air ultra bons, donc tu dis, ouais, eux, c'est à peu près safe. Mais il y en a plein d'autres où t'es genre, j'attends de voir, parce que je sais pas trop. Et c'est pour ça que je disais qu'elle est un peu plus cynique, la série. Mais même tu regardes comment, Discovery, c'est aussi... c'est pas aussi manichéen que ça. Hein. Je veux dire, moi, j'ai limite pas mal de... En fait, j'ai beaucoup d'empathie pour les Klingons au début parce que vraiment, ils y sont pour rien. Et puis t'as une meuf de Starfleet qui arrive et qui les bute, quoi. Genre. Oui, enfin, t'as quand même un mec qui est en train de tous les rassembler pour mettre sur la gueule à la Fédération et. Ouais, mais d'accord. Enfin, mais en même temps, ils expliquent bien dans la série que c'est un prophète, un prophéteur. Mais en fait, ils expliquent dans la série que justement, s'ils en viennent là, c'est parce que ben. Ils savent que la Fédération peut les défoncer, en fait. Oui, je pense et que c'est en pas plus, si compliqué. Ouais, elle est un peu spoiler. Dans l'univers. Ouais. Où c'est pas du tout la même situation, et les Klingons, c'est pas du tout les méchants. Bah, ils se sont fait rouler dessus, en plus. C'est carrément les grosses victimes, oui. Et c'est les Terriens, les méchants. Ouais. Et ça, j'aimais bien. Les Terrans. Ouais. Et dans Picard, c'est la Fédération, les méchants. Non, je plaisante, mais elle est pas claire, quoi. C'est un peu. Elle est pas spécialement claire non plus, en fait, dans Discovery, parce qu'on a quand même la section 13, si je dis pas de bêtises. Ouais. 13 ou 30... 13, hein. 13, je crois. Hein. Aidez-moi. Non, c'est 31, je crois. 31 Il y a un 1 et un 3, en tout cas. 31, je savais plus dans quel ordre c'était, mais c'est 31. 31 ouais. La section 31, qui est, ou 38, qui est en gros, c'est les agences secrets de la Fédération, et ils font un peu ce qu'ils veulent. En fait, ils sont limite indépendants, et ils foutent un peu la merde où ils veulent, quoi. Enfin, entre guillemets, c'est un peu la FBI de, ou la CIA, plutôt la CIA de la Fédération, quoi. Ouais, et c'est vrai que t'as tout ce côté un peu. Bah ouais, remise en question des intentions de la Fédération, ce genre de truc qui est sympa aussi. C'est ça qui rend Pike aussi piquant, MDR. Ce qui est très différent par rapport à Picard, c'est que ça se passe pas dans le cadre de la Fédération et de Starfleet. C'est un... Picard est donc retraité. Et en gros, il va reprendre du service, mais genre... illégalement. Donc c'est pas du tout Starfleet shiny, tout le monde a son petit costume bien et tout, c'est le mec qui chope le Faucon Millenium et puis allez Han Solo, emmène-moi là, j'ai des gens à sauver. Bon, mes anciens supérieurs sont pas trop d'accord, donc faut faire gaffe parce qu'on a absolument tout le monde contre nous. Mais du coup ça tranche complètement avec les séries précédentes où t'avais toujours un équipage, un vaisseau et tu suivais un petit peu tout ce bordel en fait. T'as l'équipage et le vaisseau, mais c'est pas un équipage officiel de gens entraînés. C'est vraiment il a pris les casse-cou du coin. C'est un vaisseau moche quand même aussi ou pas? C'est génial. C'est pas du tout justement un vaisseau moche. Pour le coup, ça ressemble vraiment à un peu à Solo quoi. Ouais, c'est ça. Han, il a trouvé un pilote, il a trouvé. pote qui lui en veut un peu, et c'est vraiment l'équipage bric-à-brac qui essaye de découvrir ce qui s'est passé, comment la catastrophe a été déclenchée. Parce que ça, c'est pas spoiler, c'est dit très vite, mais en fait, tous les androïdes ont été détruits et c'est interdit de créer des androïdes humanoïdes évolués. Ah merde, c'est Ariane qui va être déçue. Parce que... Parce que, en fait, il y a... Si tu veux, il y avait une supernova et les Romuliens allaient tous être détruits. La planète allait être détruite, mm-hmm. les Romuliens allaient tous être tués. Et du coup, Picard, il a fait « Ouais, c'est quand même pas sympa de les laisser mourir. Je sais que vous les aimez pas trop, mais on pourrait peut-être les sauver et les déplacer sur une autre planète safe. » Donc les gens étaient un peu genre oh, « Non, ils sont pas comme nous. Qui reste ?» Mais Picard a quand même réussi à faire le truc, sauf que pendant l'évacuation, tous les androïdes se sont retournés contre les Romuliens et les ont massacrés. Ok. Voilà. Mais les Romuliens, il y a quand même eu des survivants et tout, mais du coup, les Romuliens en veulent à tout le monde de ne pas les avoir sauvés et surtout, ils détestaient déjà de base les androïdes, donc là, ils ont encore plus de raisons de les détester. Les Terriens en veulent aux Romuliens d'être soi-disant ingrats et puis parce qu'ils ne sont pas comme nous. Et du coup, c'est pour ça que je dis qu'elle est plus pessimiste et sombre. Enfin, je pense pas qu'elle soit pessimiste. Elle est plus sombre parce que justement, tout le monde se déteste. Parce que c'est la merde. Et ça va beaucoup avec l'actualité. Là où Discovery est très ouverte et te montre tous les bons aspects de l'humanité, même s'il t'aborde des thèmes très durs et des trucs comme ça et des moments très durs, il te montre quand même. Ils essaient quand même de te montrer des humains avec le meilleur des deux. Et ils essayent de trouver le meilleur dans toutes les espèces, y compris les Klingons et tout. Et ils te font des changements de situation en mode, regardez, dans un univers parallèle, ça pourrait mal se passer. Hein. Là, Picard est beaucoup plus d'actualité présente, avec un truc très, très cynique, très... ça va mal et tout est trop protocolaire, trop l'administration est trop bouchée, etc. Et du coup, il n'y a rien qui avance et il n'y a personne qui fait un geste vers les autres. C'est la post-logie, en fait, ça. ouais, voilà, Picard, c'est Ben Solo. c'est papy Ben Solo. Je dis Ben, hein, j'ai pas dit Kylo. On va déconner. Non, mais... Je sais... J'ai hâte de voir comment Picard évolue du coup, parce que la fin de la mi-saison était quand même très dark. Du coup, en plus, la fin entre guillemets de Picard, ça va être la fin de l'univers Star Trek pour le moment, quoi, puisque c'est la série la plus à la fin, si tu veux, enfin plus tardive du point de vue chronologique. Ouais. Du coup, c'est pas très joyeux tout ça, enfin. Non, mais c'est pas fini. C'est pas fini, mais... Je sais bien que c'est pas fini, mais je veux dire... Puis ils ont annoncé d'autres trucs. Ce qu'il adviendra à la fin de... C'est aussi pour ça qu'elle a l'air beaucoup plus sombre, parce que t'as l'impression qu'elle se passe à notre époque-là, dans notre monde. Surtout que le mec, il commence en France, alors tu reconnais ton chez-toi avec tes vignobles, ton château. Il y a Macron et tout. Il y a Macron qui pense sa tisane sur la terrasse. Et si encore le coronavirus, du coup, en 2225, là? Non, donc il y a des supernovas et... En tout cas, il y a toujours des cancers, ça, je peux te le dire. Ah. Oh merde, ça finit comme ça, la série, en fait, le mec qui meurt de vieillesse. Dans non, un EHPAD. Non, pas comme ça. Je veux pas qu'il meure. Dans un EHPAD sur Vulcain. Oh, je vais être trop triste, je veux pas qu'il y ait Patrick Stewart qui meure, c'est mon papa. En tout cas, est-ce que Xenu, on t'a donné pardon, envie de voir Discovery? Ouais, non, carrément. C'est, j'avais déjà envie de base, hein, de toute manière, hein, je t'ai pas dur à convaincre. puis en plus, c'est vrai que voilà, moi, ce serait vraiment ma première vraie série Star Trek, donc bonne manière de débuter. Donc ouais. Voilà, dès que je trouve le bon moyen facile, je pense que ouais, je vais regarder. Pour tous les thèmes. Voilà, même le fait qu'ils retrouvent éventuellement l'aspect un peu exploration, vaisseau, mission scientifique, ça me parle bien parce que c'est un truc que j'ai longtemps. On en avait parlé un peu quand on avait fait l'épisode sur Un Nouvel Espoir avec Dany. ils se sont jamais vraiment emmerdés avec ça sur Star Wars, le côté réaliste scientifique. Ça marche très bien. Alors c'est vrai que Star Trek, ça m'avait toujours, j'avais toujours trouvé ça sympa cet aspect-là, et j'avais jamais vraiment eu l'occasion de l'explorer. Donc ça plus tout ce que vous avez dit, non vraiment, moi je suis. Là, tu vas être gâté en plus niveau truc scientifique, parce que moi, j'adore aussi la science-fiction qui te parle d'avancées technologiques, de recherche scientifique, tous les trucs comme ça. Et j'étais rassasié. J'avais vraiment... Ah, trop bien. En plus, il y a des tardigrades. Le truc aussi, c'est que dans... Le meilleur perso. Par contre, c'est qu'on parle du principe que tout est acquis. Enfin, ils savent quasiment tout. Tout est acquis. Et puis ça fait vieux. En fait, Star Wars, ça se passe dans un truc où t'as l'impression que tout est vieux, qu'il n'y a plus vraiment d'avancée à part pour la guerre. Tout se sait plus ou moins. Ils sont sur le déclin dans Star Wars. C'est ça. Alors que il y a plein de possibilités encore et ils découvrent toujours de nouveaux trucs. C'est plus positif, effectivement. Ouais. Alors, rapidement, on a tout un petit peu parlé avec Adrien. Je voulais y revenir et j'avais dit que je le ferais. C'est l'aspect j'appelle ça rituel, mais le côté on reprend des vieux éléments pour foutre dans la nouvelle série, ça fait écho à l'ancienne série et ça marche toujours aussi bien. Effectivement, le coup du siège du capitaine, machin, il vient s'asseoir, il y a tout un rituel vis-à-vis de ça. Le coup des alertes aussi, des alertes rouges, oranges, je crois aussi. Et puis en plus, on te rajoute l'alerte noire pour le Discovery parce que attention, il est où ? Trop stylé, quoi. Je sais pas si ça existait dans les séries originales, mais t'as quand même à un moment, t'as une femme noire capitaine et t'as un alien aussi capitaine. C'est plus juste le mec blanc. Je crois que ça allait pas jusque-là à l'époque. Non, en plus, même, on a une femme amirale aussi dans Discovery, quoi. Mais moi, j'étais heureuse qu'ils mettent un alien aussi pouvoir, capitaine. C'est un truc que tu trouves pas facilement, quoi. Tu vois, les aliens sont toujours relégués à la. Mais je crois qu'il est second aussi, il parle de Saru, il est second oui, tout le long. Oui, mais à un moment, il passe capitaine. Temporairement, oui, ouais. C'est vrai. Je parlais du tout un peu le rituel qui a repris des vieux films. On a aussi le téléporteur, où au niveau du design, c'est quasiment similaire, il y a plein de trucs comme ça. Mais réactualiser juste ce qu'il faut pour que ça marche mieux et que ça fasse à la fois écho et en même temps, c'est quand même un peu neuf et ça revient à ce que je disais. Est-ce que c'est pas une version au final vraiment pas un reboot, mais l'équivalent des années 2020 ou fin 2010 de ce qu'a été à l'époque la série originale, quoi. Moi, je dirais qu'il manque un peu le côté feuilletonnant d'avoir une intrigue à chaque fois. Ce qui est pas gênant pour celle-là. Mais j'attends qu'ils fassent une nouvelle série Star Trek qui serait plus comme ça, où c'est vraiment... Tu préfères un procédural ou un serial comme ça, à l'ancienne ? Un peu comme The Mandalorian ? Ouais, c'est pour ça que c'est très étonnant d'avoir plus ça dans The Mandalorian que dans... C'est vrai, ouais. Peut-être qu'on y revient quelque part doucement, quoi. Ça marche quand même comme ça, hein. Mmh. Mais, ça, c'est peut-être... C'est vrai que pour le coup, Picard, c'est encore moins... Picard, c'est vraiment juste un gros film découpé, hein, pour le coup. D'accord, oui. Mais c'est peut-être aussi les usages actuels, je veux dire, c'est plus facile de vendre une série comme ça et de venir dire à Netflix, hey, écoutez, j'ai un truc qui peut se binge-watcher easy, est-ce que vous ne la voulez pas C'est toujours produit par CBS et tout. Hein. Oui, d'abord à la télé et mais... après ça va sur Netflix ou Amazon. Mais actuellement, c'est plus vendeur. Simplement de proposer ce genre de série, quoi. Après, je pense que Disney Plus et pour ce moment dernier, ils ont pu se permettre parce que techniquement, ils font ce qu'ils veulent. Simplement, il n'y a personne qui va leur dire non. C'est pas CBS, justement. En plus, Discovery, au niveau des personnages et des thèmes abordés, ça se prêtait mieux d'avoir un truc qui se suit plutôt que vraiment un truc. Tu vois, d'anecdotes épisodiques, parce que t'as vraiment tout un... Oui. Les personnages sont creusés, et du coup, forcément, t'es obligé que ça se suive, parce que tu suis leur évolution et tout le développement de leur personnalité, de leur psychologie. C'est vrai. Sinon, on aurait eu un développement de personnages assez intéressant et évolué, seulement au bout de 3-4 saisons, peut-être, un truc du genre. Quoi. Alors que là, c'est vraiment centré sur les persos. Et ils ont, même si c'est centré sur les persos, ils n'ont pas laissé de côté l'histoire, ils n'ont pas laissé de côté l'aspect scientifique. Tu as aussi l'aspect culturel, tu découvres des cultures, tu découvres des planètes, tu découvres des animaux, tu découvres des technologies, enfin, tu découvres de tout. Et c'est ça qui fait qu'elle est ultra bonne, cette série, c'est qu'il n'y a rien qui est laissé de côté. L'histoire est ultra prenante, bien écrite, intelligente, avec des retournements de ouf, des moments joyeux, des moments où tu vas t'écrouler de tristesse parce que c'est très fort en émotion. Les personnages sont tous intéressants, tous différents, ont tous de la nuance et sont traités avec profondeur et justesse. T'as de l'aspect de ce qui se passe dans le passé, t'as de la remise en contexte, t'as tout l'aspect développement technologique, comment on en est arrivé là, comment on peut améliorer toutes les questions éthiques. En fait, tout est abordé et ils arrivent à te faire avoir de tout sans trop charger. Et vraiment, elle est très forte pour ça, la série, c'est que t'as tout ce que tu veux et c'est jamais trop. Mmh. Voilà. C'est une bonne chose. Clairement. Fin, clairement. Ouais. 10 minutes, non, Gauchkov, excuse-moi, tu as un truc à rajouter ? Non, moi j'attends de conclure. Très bien, bah, je pense qu'on peut conclure comment, en disant... Voir justement d'autres séries, peut-être plus feuilletonnantes. Ouais, comme tu disais, peut-être aussi. D'avoir des trucs un plus posé, alors, quelqu'un justement a des attentes vis-à-vis de la saison 3 très rapidement ? Ben ça. Du feuilleton, ok. Moi, comme d'habitude, pas du tout. Je n'ai pas d'attente, juste retrouver les personnages et voir encore plus de découvrir encore plus de choses. Et toi, Adrien ? Moi, je veux Tilly. Tilly. Bon, bah, ça semble tenable hein, comme demande. Et toi, Ximinute, je pense que tu aimerais voir la saison 1 et 2 déjà avant. Ouais, ouais, moi, c'est ça, mes attentes, voilà, c'est de voir quelque chose. Voilà, enfin, en tout cas, j'espère que. Ben, il ne doit plus y avoir de fans de Star Trek depuis très longtemps, là, qui. Mais j'espère que vous aurez envie de regarder d'autres trucs parce que en plus là c'est le confinement donc tout le monde a le temps. Voilà, si c'est pas déjà fait, regardez Discovery, regardez même les autres séries Star Trek. Ouais, faites pas comme moi, regardez tout. Regardez les vieux trucs parce que je dis que c'est nul, mais évidemment que c'est pas vrai. Mais toi t'aimes pas les vieux, on sait bien. Ouais, moi je suis gérondophile, c'est pas. Gérondophobe, gérondophobe. Ah, c'est vrai, c'est Ryan Johnson qui est gérontophile. Non, et puis finalement, les pyjamas, c'est pas si mal en vrai. Ouais. Bah, moi, ça fait deux semaines que j'en porte, je suis très bien dedans. Hein. C'est ça. Dès qu'on est constamment en pyjama en ce moment. Je les comprends, les mecs dans les vaisseaux. Moi, j'ai fait un effort de ouf aujourd'hui, je me suis habillé. Mais tu sais qu'il y a des gens qui habitent chez moi, je vais pas rester à poil toute la journée, je travaille non, aussi. Mais j'ai des enfants, donc je suis d'habitude en. Non, mais c'est Adrien, vous mettez des pyjamas, vous emmerdez à mettre des pyjamas, vous, parce que moi je suis à poil. Non. Avant, je me baladais à poil, mais on a des voisins en face, j'ai pas trop envie qu'ils me voient. Et voilà, en tout cas, j'ai hâte pouvoir faire le point là-dessus l'année prochaine. Ou alors peut-être qu'on parlera d'un autre truc, mais. Peut-être qu'on fera un podcast Star Trek. D'ici là, on aura deux podcasts. On aura Faucon Millennial et USS Millennial côte à côte. Et on va faire un épisode ce 1er avril sur Stargate. Stargate. Du coup, on sera bien. La porte des Millennial. Le Chapai Millennial. USS Millennial. Wow. Millennial. Donc, voilà. On se reverra avec du Star Wars pour la prochaine fois. Et puis, longue vie et prospérité à vous. Salut. Kapla.